Bonjour, 1er décembre. Je vais faire un petit direct vraiment pas long, là. Je vais juste aller voir quelque chose, là. Donc, oups. Bon, ben, je vais laisser faire, je vais perdre le direct. Oui, je parle le direct des fois quand je vais voir des choses. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait à dire? L'anthropomorphisation de l'énergie. J'ai repensé à ça dernièrement parce que dans le dernier chat, il y a des gens qui disaient, est-ce que le double puis l'ajusteur de pensée, est-ce que c'est la même personne? Puis là, c'est là, j'ai été obligé de dire, ben, c'est pas des personnes. Pourquoi? Parce que justement, il faut pas anthropomorphiser l'énergie au sens psychologique du terme. C'est dans le sens que, en tout cas, ah! Bonsoir Sylvie. Des fois, il y en a qui disent bonsoir chat. L'autre fois, bon, bonjour chat. Je dis, oh, je ne sais pas, il est où le chat, je l'entends pas. On va dire le clavardoir. Pourquoi pas? Quel mot inutilement sophistiqué, compliqué. J'étais pas bien, tant que ça en forme la dernière fois. Pas que j'étais fatigué, mais j'ai remarqué par après là, que oh, j'avais une certaine baisse d'énergie. Ouais, l'anthropomorphisation de l'énergie. Donc, si vous considérez que le double ou l'ajusteur de pensée comme des personnes, c'est une anthropomorphisation de l'énergie. Mais on peut s'adresser à ça comme à des personnes. C'est pas pareil, là. Bonjour, Jenny. Donc, par rapport, là, aussi, est-ce qu'on peut avoir des définitions claires de la différence entre l'ajusteur de pensée? Bonjour, Lucie. Puis, le double. Puis là, c'est là que ça devient, dangereux. Ça devient dangereux. Pourquoi? Parce qu'on va intellectualiser ça. L'ajusteur de pensée, c'est une sorte de filtre. C'est lié au vibratoire. Hein? Bref, dans le sens que l'énergie va selon son appointement. C'est pareil pour des pensées. Puis aussi pour protéger l'ego. L'ego a des mécanismes inconscients de protection. Donc, là, on peut parler d'ajusteur de pensée. Mais l'affaire, là, de dire, ah, est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est la même personne? C'est pas des personnes. Ça peut pas être des personnes. Mais non, c'est vrai parce que, bonjour Christine, parce que ça s'est jamais incarné. Il y en a qui ont sorti ça parce que ça s'incarne pas. Oui, ça s'incarne. Ça s'incarne par procuration dès que c'est anthropomorphisé par quelqu'un. Là, ça devient, entre guillemets, une personne. Mais c'est pas des personnes. Bonsoir Camille. Donc, je trouve ça quand même important. Pourquoi? Parce que, au niveau de ces forces-là, de ces structures-là, plutôt là, par lesquelles passe de l'énergie. Donc, il va y avoir une cristallisation, c'est-à-dire que il y a des structures qui vont structurer l'énergie au sens d'une cristallisation. À ce niveau-là, par rapport à justement ce qu'on pourrait appeler les programmes, la programmation, ces choses-là se sont construites, mais d'une façon qui n'est pas consciente, dans le sens que l'être humain, il va vers de la conscience. Les forces de vie se conscientisent en s'individualisant à travers des lentilles qu'on appelle des égos. Bonsoir, Jean-François. Donc, c'est là que l'espèce d'approche ésotérico-mystico-spirituelle, que c'est là où il va falloir un jour lâcher ça. Être, si je, comment je pourrais dire ça? Plus scientifique, être empirique aussi, dans le sens de vérifier, de tester, de pas théoriser à plus finir sans qu'il y ait nécessairement. Mais il faut qu'il y ait une certaine pratique, il faut qu'il y ait une certaine vérification. Comme au niveau des pensées, bon, vous recevez une pensée. Est-ce que vous considérez que la pensée vient de vous, dans le sens en tant qu'ego conscient? Ou est-ce que ça peut être une réminiscence de vieux conflits, d'une mémoire expérimentale? Est-ce que, tu sais, vous voyez, là, c'est pas dans le sens. Bonsoir, Marie. Donc, le côté, même les psychologues, je les trouve spirituels, surtout ceux qui ont beaucoup d'influence de la part de Jung. Les influences, c'est des influences, dans le sens, en est ça des pensées qui viennent pas de vous. Mais là, moi, je suis pas en train de vous donner des pensées qui ne viennent pas de vous. C'est dans le sens juste d'essayer de créer un espace objectif d'observation active. Bonjour, Mystère Guerrière. Donc, c'est juste ça, devenir plus objectif. C'est quoi le surmental? Ben, c'est un espace d'objectivité, d'observation objective active. En dehors de l'affaire, c'est. On peut pas, on pourra pas, au niveau d'une conscientisation ou d'un début d'une conscience intégrale, tout le temps être barouetté par des programmes qui, eux, se sont construits inconsciemment, expérimentalement, au sens de subir de l'événementiel enregistré dans l'âme, puis que ces programmes-là sont mis en mouvement puis nourris par l'émotivité, qui est une forme d'énergie animalienne dans l'être humain. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est tellement simple. Je le sais que ça a l'air compliqué parce que les gens l'intellectualisent, mais ça n'a rien de compliqué. C'est tellement simple. Si vous savez, moi, comment je suis un tata, je suis un niaiseux. Je me casse pas la tête. Je me casse pas la tête dans le sens que c'est des choses qui se voient. Ce sont des choses qui se constatent. Ce n'est pas des choses qui se comprennent. C'est comme. Si vous vous prenez les pieds dans la table à café du salon, c'est pas lié à une compréhension que vous avez la table à café là, vous le constatez. C'est la même chose. Lulu, bonjour. Comment créer cet espace créatif objectif en désémotivant, en observant de plus en plus? Comme par exemple, je sais pas moi, si vous vous mettez en colère puis que vous êtes porté à dire des choses comme ah, j'étais hors de moi. Il faut pas l'observer après coup, il faut l'observer de plus en plus en réel, c'est-à-dire à avoir de la présence. Parce que cet espace-là se crée en l'occupant. En l'occupant. Bonsoir, top chat. Bon, le chat puis le chat. Oh, le clavardoir. Un événement amusant qui t'est arrivé récemment. Ben, moi, c'est jamais amusant. Je m'ennuie pas, mais je m'amuse pas. Je suis pas. Si vous saviez, comme je suis quelqu'un de plate, d'ennuyant. J'aime pas ça, m'amuser. Ça m'intéresse pas. Oui, il m'arrive des événements amusants. Qu'est-ce qui pourrait m'être arrivé récemment d'amusant? Ben, rien. Comme aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir les cours de l'or, j'ai pelleté de la neige. Je suis allé payer le loyer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre donc? J'ai constaté qu'il faut que j'aille faire certaines commissions. Je veux dire, il n'y a rien d'amusant. Ça n'a pas besoin d'être amusant, la vie. J'ai un astuce de problème, moi, avec le monde qui veulent avoir du fun à tout prix. Ils ne sont pas capables de supporter leur vie. Il faut que ce soit amusant. Ça n'a pas besoin d'être amusant, la vie. Ça a juste besoin de. Quand quelqu'un dit bonsoir, Manon, M. Manon, vous savez, là, juste avoir la. Quand quelqu'un va avoir la paix puis être bien, il n'y a plus besoin de s'amuser. Ça devient, tout devient correct. Bonjour de Martinique. Ah oui, de la Martinique. Eh bien, c'est des coins intéressants, ça. Ben, c'est quelque part, c'est en Amérique. Hein? Donc, ben oui, vous savez, là. Oh non. Ah, j'entends des mouvements. Donc, ça se peut aussi qu'à un moment donné, je mette fin au chat, là, parce que je vais peut-être avoir du monde. Force égrégorisée dont parle BDM, tu peux en parler déjà, définir le mot égrégore. Un égrégore, c'est une accumulation informative enregistrée qui va avoir une charge énergétique qui active des programmes. Je vois pas comment le dire autrement. La loi d'attraction est-ce réelle? Ben oui, mais c'est la mécanique vibratoire. C'est lié à la mécanique vibratoire. Il y a des lois de sympathie, mais c'est lié à des fréquences. Vous savez, quand vous jouez après une radio, quand vous, il va avoir un rapport d'émission, puis c'est comme ça qu'on peut capter, en tout cas, les rhumes, bronchites, etc., c'est des programmes, on peut les désactiver si c'est le cas. Ben oui, mais il faut que ça soit au sens d'une science. Dans le sens, si votre corps est en train de subir, il est en train de construire une résistance, il est en train d'enregistrer l'information due à un virus. Ben, il faut le laisser faire. Pourquoi déprogrammer un mécanisme tellement intelligent qui fait qu'ensuite vous ne rattraperez jamais le même rhume? Et c'est juste comprendre, intégrer le fait que c'est intelligent, laisser faire ces mécaniques-là. Ça a pris des millénaires, le système, votre système, il a pris des millions d'années à se construire comme ça. Et on continue à le laisser faire, ça n'a pas besoin d'être conscientisé, ça. Tout ce qui a besoin d'être conscientisé, c'est d'arrêter d'intellectualiser ou de moraliser notre expérience. C'est pas grave d'avoir le rhume, c'est même très bien. Moi, je trouve ça correct. C'est chaud en ce moment, les Caraïbes. Oui. Ah oui, les Caraïbes. Vous savez, je me mélange tout le temps entre la Martinique puis d'autres endroits, la Dominique. C'est vrai, c'est un département. Ben oui, que je suis bête. Mais vous savez, moi, je suis quelqu'un de très bête. Je ne suis pas intelligent. C'est une illusion. Est-ce que le fait de dire j'ai tout choisi de ma vie, est-ce que de la pas. Ben oui, parce que c'est subjectif. C'est subjectif. Pour faire un choix réel, il faut être au courant de tous les possibles, de toute l'information. Ben, c'est impossible. Puis on va toujours faire des choix selon ce qui a été intégré en tant qu'expérience. C'est-à-dire qu'au niveau de votre inné puis votre acquis, il va y avoir un jeu subtil qui construise la personnalité, puis ça va orienter vos décisions. Voyons, c'est évident que quelqu'un qui, je sais pas, moi, quelqu'un qui a été battu par son père va pas prendre les mêmes décisions au niveau de sa vie psycho-affective que quelqu'un qui l'a pas été nécessairement, que le vécu influence subjectivement les mouvements. C'est en ce sens-là que tous tes programmes, puis il n'y en a pas de libre arbitre. Bon, c'est le temps de m'ouvrir la TV. Micro Zemar. Donc, on peut utiliser la loi d'attraction ainsi que les lois universelles dans les domaines supramentaux. Ben oui, mais c'est de comprendre la mécanique vibratoire. Le supramental, c'est pas une école. Excusez, j'ai peur de patience. La loi d'attraction, ben oui, mais c'est la mécanique vibratoire qui est derrière ces phénomènes-là. Les lois universelles, ben oui, mais c'est les programmes. Voyons, c'est une question de vocabulaire, là. C'est moi, je parle de devenir plus objectif, de voir. Le supramental, c'est de l'information qui vient d'en dehors de l'intellect, qui n'est pas trop déformée par l'ego. C'est pas dans le réel. Dans le réel, c'est pas nécessaire être dans la recherche du plaisir à tout prix pour vivre sa vie. Ben non. Au contraire. L'être humain est prisonnier de ses sens. Ça, c'est des pulsions qui viennent de forces animaliennes, si vous voulez. Voyons donc. C'est comme des madames là, qui veulent s'acheter une nouvelle paire de souliers à chaque semaine. C'est évident que cette recherche-là, s'il y a des programmes dans leur cerveau, ça leur fait sécréter de l'endorphine. Puis c'est la recherche de plaisir vient de forces qui ne sont pas objectives, qui ont servi à. Des mécanismes de préservation, parce que l'être humain ou toute autre forme de vie doit se nourrir pour vivre. Puis là, il y a eu des mécaniques, se sont créés des programmes de compensation dans le sens d'un centre de récompense dans le cerveau. La recherche de plaisir, c'est être sous, c'est être assujetti à des programmes. Donc, une intervention récente de ton esprit t'a surpris ou intéressé? Ben, ça arrive tout le temps, je veux dire, là, ça arrive. Mais c'est toujours lié, vous voyez, faut qu'il y ait quelqu'un qui me mette Bonjour de France. Dans un live précédent, tu parlais rapidement de karma et de son éventuelle illusion. Il me semble que tu en dis plus que ça, c'est parce que le karma, c'est une loi de conséquence. C'est tout. On n'a pas besoin de spiritualiser ça ou de le moraliser. Je veux dire, on peut tout ramener à de la mécanique, là. On n'est pas obligé de. L'être humain, il spiritualise son expérience. Il n'est pas sorti de sa phase animiste un peu, là, si on peut dire. Il est devenu un mystique. Il tend vers une réelle conscience intégrale. On le voit par le fait que, bon, les gens sont sortis, en Europe, sont sortis du chamanisme pour entrer dans des rites liés à la culture, puis au cycle, dans le sens de le paganisme. Après ça, il est allé vers le monothéisme. Vous voyez, il y a une évolution. Mais le karma, c'est spirituel, la façon dont on en parle. Si on parle de loi de conséquence, là, c'est plus. Tiens, j'ai repensé à notre double féminin. J'ai fait ce rêve aussi quand j'avais 20 ans. J'étais allongé à côté, je ne me rappelle plus de la suite, mais j'ai longtemps cru que j'avais rêvé de mon âme sœur. Ben oui. C'est un potentiel qui ne s'est pas réalisé parce que vous êtes un homme, puis des fois on rêve à ça. Donc, mais c'est encore là en tant qu'information inusitée, si on peut dire, dans le sens de pas usiter, de pas utiliser. Comment se fait-il que quand je vous écoute ou Bernard le soir, il est presque systématique que je me fasse réveiller la nuit insonnée? Ben oui, mais il y a de l'intelligence qui est en dehors de l'ego. Puis la vibration peut activer ça. Donc, s'il y a de l'énergie, c'est de l'énergie. Donc, c'est sûr que. Mais là, c'est au début, il va y avoir des phénomènes troublants, mais c'est important de dormir la nuit. Donc, ça peut générer une colère qui est. Dans le sens, pas une colère, dans le sens d'être en colère psychologiquement, mais au moins de dire, ben là, je ne veux plus me faire réveiller la nuit. Puis peut-être que vous allez finir par pouvoir avoir une discussion avec ce qui vous réveille. Mais il ne faut pas l'anthropomorphiser, il ne faut pas voir ça avec qu'on parle comme une personne ou un esprit ou une entité. Il y a une certaine distance avec l'expérientiel. Passé permet d'être dans le réel. Bon, il y a quelqu'un qui. Ah bon. Une certaine distance avec l'expérience permet d'être. Il va y avoir des phases d'intégration, de digestion, si vous voulez, de l'expérience. Mais il faut tout le temps retourner dans l'expérience, dans le sens, pas dans le sens de subir l'expérimental, mais dans le sens d'être en mouvement pour exercer un début de créativité. Penses-tu que la fin du Kali Yuga est pour 2022? Ah, il n'y a pas encore eu des événements. Vous savez, à la fin d'un cycle, il y a des événements naturels très violents. Puis on ne les a pas encore eus. Est-ce que tu peux nous parler des rêves pour quelqu'un qui rêve toutes les nuits? Que faire avec ces informations sans rentrer dans la psychanalyse? Ben là, c'est qu'il y a de l'intelligence au-delà de la forme. Moins vous allez être objectif, plus vous allez être porté à vouloir interpréter et analyser les formes. Plus vous allez être objectif, plus vous allez voir au-delà de la forme. Donc, vous allez finir peut-être même par plus rêver aussi souvent. J'ai rêvé ce matin, je m'en souviens même plus, mais je me souviens que j'ai rêvé. Mais je me souviens plus. Je me souviens qu'il y avait une dame qui était là. C'est tout ce que. Mais ça pourrait me revenir là, si je m'attardais. J'ai entendu récemment que l'apparition de l'humain sur Terre serait due à un accident de laboratoire. Cela résonne. Non. Non. C'est l'être humain qui. Vous savez, là, il n'y a rien de moins aléatoire que les lois de la vie. Ça a quelque chose d'aléatoire, mais pas à un niveau comme ça. Pas à un niveau comme ça. Il y a des forces qui coordonnent. Là. Il y a une certaine intelligence, une certaine logique. Même si c'est pas conscient au sens qu'un ego considère la conscience. Est-ce que tu aimerais qu'on te mette en colère pour t'aider? Ouais, ben cherche-moi pas trop. Non, non, vaut mieux pas trop me chercher. Non, non, je me mets en colère tout seul. C'est déjà le cas. Je suis déjà mis en colère tout le temps. Quand on rêve qu'on est perdu et que l'on ne retrouve pas le chemin, ça veut dire quoi? Ben, ça dépend de votre psychologie parce que l'information s'est formée dans votre ego à vous, dans votre lentille à vous, dans le sens que ça dépend de votre vie. Ça dépend de votre personnalité. D'habituellement, quelqu'un qui rêve qu'il est perdu, c'est parce que c'est une façon pour l'intelligence derrière la forme de lui dire, ben, t'es pas centré, dans le sens que ça veut dire qu'au niveau de votre vie, vous savez pas trop où vous en êtes, mais qu'au moins vous êtes sur un chemin. Vous retrouvez pas le chemin, mais au moins vous êtes sur un chemin, donc il y a du mouvement, vous quand même bien, quoi, pour. Monsieur Trajan, il crée quelqu'un. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Trajan. Il faut apprendre à lire mon nom. Oui, ben je la vois, là, c'est ça que je faisais. Pourquoi c'est pas comme ça que vous le prononcez? Bon, allez, vous jasez entre vous autres. Ben oui, mais. Ok, vous parliez à madame. Monsieur, peut-être, je sais pas. Mais c'est ça, c'est que. L'être humain, il tend vers une individualisation d'une intelligence qu'on pourrait qualifier d'universelle, c'est-à-dire qui est cybernétique dans le sens d'auto-réguler. C'est une intelligence mécanique, ça. C'est ça des programmes. Mais là, si on reste dans une phase, de toute façon, ça va se faire, ça se fait de plus en plus. Même d'ailleurs, c'est plus difficile de gouverner les masses de nos jours qu'avant. Il y a beaucoup plus de résistance à certains discours officiels maintenant que dans les années 50, par exemple. Ben oui, j'avais compris que c'était pas pour moi. Je viens à bout, vous voyez, là, je viens tout le temps, je suis là, mais j'arrive toujours à destination. Bon, il y a une différence entre être stupide et être lent. Moi, je suis juste lent. Certain, je suis pas vite, vite. Hein? Mais c'est ça, parce que des fois, tout le temps, ailleurs, on peut dire tout en étant ici. C'est ça. Il va falloir, l'être humain, en tant qu'ego, en tant que lentille, conscientise les programmes, c'est-à-dire que l'intelligence individualise. Ça devient de la conscience. Il y a une différence entre de l'intelligence puis de la conscience. C'est pas pareil. Donc, explique que le karma est une loi de conséquence. C'est ce que, ah, ben oui. Ben oui, ce qui arrive, c'est que les gens sont encore dans une morale qui vient de sa peur ancestrale des forces de l'invisible. Dans le sens, il y a des gens sur Terre qui feront pas des choses qu'ils considèrent au niveau moral comme mal par peur que le destin les punisse. Ça, c'est une peur ancestrale qui vient de l'âme collective. Puis ça en est de la subjectivité, mais ça a pris ça. Ça fait partie des sphères, c'est-à-dire que c'est après ça pour coordonner l'énergie, pour créer des civilisations. Sinon, ça aurait été la cohue, ça aurait été juste de l'animalité. Je n'arrive pas à être en colère ou à manifester vibratoirement. Je cite ici la colère vibratoire. Mais la colère vibratoire est liée à une vue, puis à une constatation, puis à une intégration progressive. C'est un processus de digestion de l'information. La colère vibratoire, c'est lié à ça en tout cas. Parce que c'est ça qui va déclencher cette mise en vibration-là si particulière. C'est comme par exemple, prenez quelqu'un, je sais pas moi, prenez une dame que son conjoint la malmène là-bas, puis elle est juste en colère de subir ça. Mais elle revient tout le temps à des rationalisations psychologiques. Au fond, ça doit être elle qui a fait quelque chose de pas correct. Et puis, mais à la longue, ça se peut qu'elle intègre le réel, qu'elle développe une réelle colère, c'est-à-dire qu'elle ne se mettra pas en colère, là, dans le sens psychologique du terme. Elle va s'en aller se protéger. Elle va intégrer l'information, puis donner une direction à l'énergie plutôt que la perte. Ça, c'est lié à de la colère vibratoire qui n'est pas conscientisée encore tout à fait. Mais c'est ça pareil, parce qu'il va y avoir une transmutation, une intégration. La femme qui quitte son mari violent n'est pas la même que celle qui endurait. Il y a eu un changement au niveau de ses corps. Qu'on le veuille ou pas, les processus qu'on décrit, là, c'est pas des affaires liées à des gens exceptionnels. Tout le monde, c'est tout le monde. C'est comme je dis aux gens, vous avez tous des... C'est tout le monde qui vit ça. C'est pas des processus exceptionnels, c'est juste que ça n'a jamais été verbalisé. Ça n'a jamais été parlé. C'est juste ça. Donc, j'ai quitté la religion, étroite, la philosophie circulaire, l'ésotérisme, moi, qui est un mélange des deux un peu. Et ce qui reste doit être là. Il faut aller ici, ça. Ben oui, parce que l'être humain, tant qu'il est à la recherche du sens, il psychologise l'information, il rationalise son expérience et il n'intègre pas le réel. Donc, chercher un sens aux choses, ça bloque l'intégration de la nature des choses. Et ça fait un bout de temps. La première fois que j'ai dit ça, j'ai dit les choses ont, la vie n'a pas un sens, les lois de la vie n'ont pas un sens, c'est une nature. Ça obéit à des lois naturelles. C'est lié à des. Ça, on peut tout ramener à ça. Mais au moment où je l'ai dit, il y a plusieurs années, je ne l'avais pas intégré. Je ne l'avais pas intégré. Puis même là, au niveau créatif, je ne l'ai pas encore intégré tout à fait. Sinon, je serais totalement en contrôle de mon expérience. Or, je le subis encore beaucoup. Là, j'étends vers. Vous savez, là, il y a un audio qui a été fait par Bernard, c'est La vie est sous votre contrôle. Pourquoi est-ce qu'il y a des forces qui détournent l'énergie de l'être humain? Parce que c'est son énergie, puis que s'il ne s'était pas détourné, c'est lui qui donnerait la direction. Au fond, Peux-tu expliquer plus explicitement la différence entre conscience et intelligence? Ben oui, mais regardez, l'intelligence, là, c'est de l'information qui s'accumule mémoriellement au fil du temps. Dans le sens, comme l'ADN, exemple. Vous savez, le fait que votre système, par exemple, peut combattre des infections, c'est lié à de l'information qu'il y a eu au fil du temps expérimentalement au contact de virus. Mais ce n'est pas conscient. Votre système agit d'une façon autorégulée, mécanique, selon des programmes. C'est intelligent. Ça, c'est de l'intelligence. Mais ce n'est pas de la conscience. Mais ça n'a pas besoin d'être conscient. C'est comme le fait, votre cœur va toujours suivre une rythmique qui s'adapte à la situation que votre corps vit. C'est lié à des programmes très anciens, c'est intelligent, ça. Votre corps est intelligemment construit. C'est pas pour rien que vous avez le cœur d'un côté, le foie d'un côté, que c'est avec le temps. Ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au niveau des lois de la vie pour que les programmes s'accumulent, que l'information s'accumule dans le linéaire spatialo-temporel pour que ça s'harmonise. Ça, c'est de l'intelligence. C'est très intelligent. Mais c'est pas de la conscience. Vous avez pas besoin de Vous avez pas besoin, votre cœur n'a pas besoin d'être conscient pour faire son travail comme il faut. Par contre, une conscience désajustée d'une personne qui psychologiquement va mal peut rendre malade son cœur. Donc, en tout cas, je sais pas si c'est peut-être difficile un peu. Beaucoup de petites améliorations continuelles, difficile de voir que l'on avance en conscience. Parce qu'au niveau de l'intégration, si vous ne refaites plus les mêmes erreurs, si vous ne retombez plus dans certains patterns, ça veut dire qu'il y a eu une intégration. Il y a eu une intégration, mais si vous faites continuellement les mêmes erreurs, c'est comme, vous savez, c'est comme. Moi, à un moment donné, ça m'avait dit, tu vas arrêter de fumer. Puis j'ai eu la naïveté de penser que j'avais arrêté de fumer ou j'ai cessé de fumer. Puis j'ai recommencé à fumer, puis après, je n'avais pas compris que. Après, je demandais, je disais. Vous m'avez dit que j'arrêterais de fumer. Il dit oui, mais on t'a pas dit quand. On t'a pas dit quand. C'est moi, en tant que conscience, qui n'était pas intelligent à ce niveau-là, qui comprenait, qui n'est pas objectif. Mais c'est finalement arrivé. Mais répéter les mêmes erreurs, c'est comme quelqu'un qui arrête de fumer puis qui recommence, qui arrête puis qui recommence. Il y a un processus, là. À un moment donné, il recommence plus. Mais là, c'est pas comme du monde. Il y en a, ils vont fumer jusqu'à l'emphysème, là. Ils vont. Pourquoi? Parce que c'est de la programmation, c'est des programmes. Ils vont succomber à ça parce qu'il n'y a pas une intégration. C'est pas si compliqué. Quand je dis que c'est des choses, c'est simple, ça. C'est niaiseux. C'en est niaiseux tellement c'est simple. On se complique la vie par l'intellect. Je suis un peu blasé. J'ai essayé d'écouter BDM Camp Menard, mais je ressens que c'est ta vibration qui va. J'ai écouté La vie est sous votre contrôle et je capte pas aussi bien. Quand tu écoutes, ben peut-être. Ben, il y a peut-être le fait que, bon, je suis plus jeune. Puis que je parle maintenant, je parle pas il y a 20 ans, je parle pas il y a 30 ans, je parle maintenant. Peut-être que ça joue. Ben, peut-être, moi, je vous suggère, Camille, d'écouter, d'essayer Charles Sabourin. Ben, peut-être que vous êtes rendu là. Son approche n'est même pas une approche tellement c'est froid et terre à terre. Bon, il y a un petit peu d'ego, un petit peu de dominance, mais s'il n'y avait pas ça, je pense qu'il ne parlerait pas. Donc, il y a des choses utiles aussi. Il collaborerait peut-être pas avec les gens s'il n'y avait pas ça. Donc, il a les qualités de ses défauts, c'est correct. Mais peut-être vous êtes rendu à ça là. Comme Sabourin, c'est très, très, très simple, très, très clair. Pourtant, c'est pas si facile que ça. Ça m'a pris peut-être 5-6 ans avant de l'écouter. Puis, ça m'a pris au moins 5-6 ans, là, certain, avant de me rendre compte que pour l'anthropomorphisation de l'énergie, que pour la programmation, que pour l'observation active, il est allé à ce niveau-là, là, je parle juste de cette spécialité-là, là, il est allé un petit peu plus loin. Peut-être que Bernard, peut-être tout simplement parce que Bernard, vous savez, il était général, puis il allait partout en même temps. Mais Est-ce que l'on peut avoir des marques physiques qui sont dues à des agressions que l'on a eues dans des vies antérieures? Pourquoi pas? Mais là, ça va être lié à une sympathie vibratoire avec des mémoires. Là, on peut parler de réincarnation mécanique, mais pas au sens spirituel du terme. Comme si votre grand-père faisait des ongles incarnés, puis vous aussi, vous avez tendance aux ongles réincarnés. Mais il y a ça va encore plus loin que les liens filiales, semble-t-il. Pourquoi? Parce qu'il y a des strates, semble-t-il, où il y a de l'information qui s'enregistre, qui vont au-delà de l'ADN, puis de la linéarité comme on la connaît. Et il y a possibilité que le corps soit en résonance avec de la mémoire enregistrée, de l'information. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, on tomberait dans de la physique quantique. C'est un peu comme attraper une maladie sans contact, une vieille blessure de guerre d'une autre incarnation. Est-ce que c'est nécessairement de la réincarnation? Oui, au sens où l'information s'est rendue dans un autre corps. Donc, ah, bon, ben, vous verrez bien. Pourquoi les humains éprouvent le besoin de parler? Ça, c'est intéressant. C'est lié à de la sympathie vibratoire qui se conscientise justement. Ça fait partie de l'évolution, puis c'est vibratoire. C'est vibratoire. C'est au contact de l'être humain que les loups se sont mis à japper, qui est un peu comme entre la parole et le hurlement du loup. C'est vibratoirement que ça se passe des choses comme ça par contact. L'information, il faut qu'elle prenne forme pour être transmise à certains niveaux, surtout chez un être sophistiqué comme l'être humain. Donc, ça prend un véhicule pour l'énergie. C'est ça, en ce sens-là, la parole. Pourrais-tu expliquer le phénomène de métempsychose? Ben, vous parlez de la transmigration des âmes au cours des incarnations. Ben, je vois pas. Moi, à mes yeux, le phénomène a été subjectivé beaucoup par l'intellect. Donc, le fait qu'il y aurait une réincarnation au sens d'une transmigration des âmes, moi, je le considère, c'est de la mémoire puis de l'information qui revient par des structures de sympathie. C'est-à-dire que vous pouvez capter des souvenirs possiblement, entre autres, de gens qui vous ressemblaient structurellement au niveau de l'émotivité, puis de la personnalité, puis du vécu. Donc, à mes yeux, tout est lié à des mécaniques comme ça. Donc, même la métempsychose qu'on a appelée la transmigration des âmes, c'est un transfert le transfert de la mémoire. On pourrait même voir ça, c'est de l'informatique au sens cybernétique du terme, sans considérer l'être humain comme une machine. Mais ces corps sont machinaux. Je ne sais pas si vous. Sabourin utilise des mots simples, il est performant pour éviter de tomber dans des choses obscures. Perdre au final des gens. Ben oui. Oui, ben lui, Sabourin va tout le temps les ramener à des consultations avec lui. Ben c'est correct, je veux dire. Il fait sa business, mais il reste que oui, c'est vrai. Puis il est pas apprécié autant qu'il mériterait peut-être. Dans le sens qu'il y a encore beaucoup de spiritualité dans le supramental, il y en a qui ont spiritualisé. Entre autres, tout ce que Bernard O'Kemp. Puis eux autres, ils vont être très. Lui, ce qu'il appelle la résistance, ben oui, mais c'est des vieux programmes subjectifs qui se défendent. Quand on essaie de casser des vieux programmes, des yeux ou de créer de l'objectivité, c'est normal, ça engendre de la subjectivité. Il y a des mécanismes de préservation. Puis comme c'est pas conscient, ben même les programmes se défendent. Donc, Sabourin se fait rentrer dedans. Comment les forces égrégorisées? Nous, pollue-t-elle, peux-tu parler du processus à travers des exemples? Ben, c'est pas compliqué, c'est par l'émotivité qui est de l'énergie animalienne, on peut dire, on va nourrir des programmations qui ne sont pas intégrées, puis qui sont autorégulées. Comme par exemple, comment les forces régorisées nous polluent-elles? Peux-tu parler de processus à travers des exemples? Il y a la mise en vibration par des formes, il y a la fascination, la mesmérisation, la magnétisation. Au niveau de l'âme, nous sommes collectifs, dans le sens que c'est comme, par exemple, vous pouvez avoir un gourou qui vient de, je ne sais pas moi, de Corée du Sud, puis il va venir à bout de fasciner des gens en Russie. Comment est-ce que c'est possible, entre autres par l'âme? Il va y avoir des mises en vibration de programmes archétypaux collectifs. Puis c'est comme ça que des forces égrégorisées nous polluent, que ça revient. Parce que l'être humain est sensible, dans le sens qu'il y a quelque chose de télépsychique. C'est comme, comment est-ce que le spiritisme est parti de la France puis s'est répandu dans toute l'Amérique du Sud? C'est pas juste par des phénomènes de fascination. Parce que les gens comprennent pas les mécaniques, les lois de l'énergie puis de la cristallisation, de la densification dans la matière. Donc, il y a de l'impression qui est créée dans l'âme. Être impressionné, c'est avoir avoir des impressions, c'est-à-dire un peu comme, comment je pourrais dire ça? Les impressions dans l'âme, c'est ça, dans le sens que c'est un peu comme aller se rouler dans le foin puis revenir tout sale. Dans le sens que l'âme, c'est un peu comme un vêtement qui est très, très blanc, au sens où, au niveau de certaines forces qui sont liées à de la mémoire, justement, d'une âme collective, c'est facile de marquer les gens. Puis il y a des gens qui sont très, très magnétiques, qui sont très, très charismatiques. S'ils ne sont pas objectifs, ils vont transmettre de la subjectivité. Puis au niveau d'instinct de domination, c'est clair qu'ils vont devenir de plus en plus objectifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche de compensation. Comme au chaud, là, rajeunisse, là. Ça finit comme ça. C'est pour ça que, bon. Oui, c'est parfait. Peux-tu me parler des mots? Ben, les mots, c'est des formes, c'est tout. Mais les mots sont comme des clés qui ouvrent sur des pièces. Comment je pourrais dire ça? Si je prends un mot et pas un autre, vous allez arriver au niveau d'une pièce particulière dans la maison des archives, des architectures de la pensée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les mots, ce n'est pas juste des formes, dans le sens, ça peut être des clés, mais c'est vibratoire, les mots. Derrière les mots, il y a tout le temps de la vibration au sens de l'expérimental collectif et individuel. Comme par exemple, si je dis réincarnation, ça va pas ouvrir les mêmes portes sur les mêmes pièces pour tout le monde. Ça dépend du niveau d'intégration des personnes. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui, derrière lequel il y a énormément, énormément de mémoire accumulée, notamment de la mémoire psycho-affective, donc animalienne non consciente. Donc, c'est là où. Moi, ça. Ah bon. Je sais pas. Moi, je suis pas mal tout le temps. Mais c'est ça, les mots. La pensée, c'est un monde en lui-même. C'est un peu comme un univers avec ses planètes, ses satellites, ses bâtiments. C'est un peu ça, les architectures du mental. Au niveau systémique, à un moment donné, on voit au-delà des mots. C'est-à-dire, la personne, on n'a plus besoin de comprendre ce qu'elle dit, on voit ce qu'elle veut dire. Ça devient beaucoup plus rapide. Ça va beaucoup plus vite. Comment se fait la fusion forcée avec l'esprit? Ben, c'est toujours forcé dans le sens que la fusion, c'est au niveau souvent, en tout cas maintenant, expérimental. Dans le sens, quand la personne commence à se rendre compte qu'il y a de l'intelligence en elle qui lui avait dit qu'elle n'allait pas dans le bon chemin, qui lui avait dit qu'elle allait souffrir, qui lui avait dit. Quand vous vivez une expérience pénible, après vous dites, je le savais. Je le savais. Vous allez, ça, c'est l'esprit. L'âme, c'est l'affaire qui fait que vous avez rationalisé ce que vous saviez au point de créer du doute, puis de ne pas aller dans la bonne direction, même si vous saviez c'était quoi la bonne direction. Donc, c'est au niveau expérimental, à force de souffrir, souvent, puis pas besoin de souffrir émotivement ou physiquement, là. À un moment donné, juste un simple inconfort va engendrer de l'intégration. Mais il faut qu'il y ait une capacité de vue de la personne. Il faut qu'il y ait certaines structures qui se cassent. Puis c'est souvent avec le temps. Je parie que tu as une explication à ce qu'on appelle la chance. Ben, pas vraiment. À mes yeux, il y a. Ben oui, d'une certaine façon, dans le sens qu'il y a des. C'est quand ça revient un peu à ce que je disais. J'ai vu des gens qui gagnaient tout le temps à la loterie, mais jouaient juste une fois de temps en temps, puis pour des petits montants. C'est comme vous avez des gens, un joueur compulsif qui n'est pas en contact avec son esprit va se ruiner en allant tous les jours au casino. Quelqu'un qui est en contact avec son esprit, il va y aller une fois par année, puis doubler sa mise. Puis s'en retourner, il s'en va. Donc, il y a quelque chose de vibratoire derrière la forme qui fait que nous, on interprète ça après ça subjectivement comme de la chance ou de la malchance. Ça revient au fait que l'énergie n'est pas coordonnée consciemment, qu'on n'a pas des consciences intégrales encore. Il semblerait que la lèvre de l'amour descende pas mal en ce moment. Peux-tu confirmer? Non. Je vois pas, moi, je vois surtout des forces de domination qui se manifestent d'une façon de plus en plus dense. Donc, ça pourrait être une réponse ajustée. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une polarisation de l'énergie au niveau de l'expérimental collectif. Donc. Non. OK. Comment va le chat? On aimerait bien le voir. Hein. Ben là, il n'est plus ici, là. Je l'ai déménagé. J'ai emprunté une petite cage de transport, puis je l'ai déménagé. Mais là, depuis qu'il ne me voit plus, il est un petit peu. Je sais qu'il pleure là, la nuit. Ben, entre guillemets, là, il pleure. Il mange moins qu'il mangeait. Ça va lui prendre au moins une semaine, là. Donner un chat adulte, c'est pas comme un chaton, parce qu'il a développé du psychologique à mon contact. Donc là, il me cherche, puis il angoisse, puis il doit être anxieux. Mais ça va se replacer. J'irai le voir quand je pourrai, là. Mais c'est normal. C'est juste normal. C'est un peu comme un enfant que vous envoyez en famille d'accueil. C'est normal que ça le perturbe. Mais je pense pas que vous puissiez le voir, là. Je pense pas le reprendre. Ici, là, la propriétaire, elle veut 75$ par mois pour un chat ou un chien. 75$ de plus par mois. Puis moi, j'ai pas envie de me chicaner avec elle, puis de me mettre à la traiter de folle. J'ai tout le temps eu des bons rapports avec elle. Ça fait jamais mieux pas avoir de chou. Donc, parce que c'est clair que je vais la traiter de folle. M'envoyer dire que. Non, non, 75$ par mois. Elle est folle, c'est. La chance, c'est comme le hasard, ça n'existe pas. Ben oui, c'est des formes qu'on met justement parce que l'être humain, il est en intégration de conscience. Donc, tout ce qu'on se comprend pas consciemment, c'est pas intégré, puis qu'on peut pas comprendre intellectuellement, on va mettre des mots comme ça. C'est comme le mot mystère. Comme quand, dans le temps, là, quand un curé savait pas quoi vous répondre, m'a dit, qu'est-ce qui fait que c'était la phrase? Ah, oh, c'est un mystère. C'est les mystères, ça, mon enfant. Oui, c'était eux autres, les enfants. Tout à fait. Bon. Sabourin, je trouve qu'il est trop catégorique et arrêté. Aussi, qu'il ne fait pas toujours de bonnes lectures individuelles. Qu'il n'approche d'égal à égal. Oui, ben c'est comme je vous disais, il y a de la dominance un petit peu. Puis aussi, il est peut-être pas. Comment je pourrais dire ça? Il y a une certaine. Moi, je sens de l'insécurité hein, chez ce monsieur-là. Notamment sur ce que les gens pensent de lui. Puis les perceptions que les gens ont, puis ça bloque beaucoup de choses. Mais il reste qu'il est bon pareil, c'est pas mal d'un meilleur, là. Moi, je trouve que c'est pas mal d'un meilleur. Il a vu des choses, il a intégré des choses, il a son contact, ça bourrin. Bon, il est trop catégorique et arrêté. Ouais, c'est parce qu'il a développé sa propre approche. Puis il y tient. Puis c'est comme s'il considérait que c'est parfait, là. Il change pas trop de forme, tandis qu'à un moment donné, il faut défaire ses propres formes. Puis, bon. Mais oui, il y a quelque chose d'autoritaire. Ça, je suis d'accord. Parce que moi, mettons que je dis quelque chose, ça ne fait pas l'affaire, ben, je dis, bon, ben, laisse faire. Mais lui, non, il va rester arrêté. Je vais devoir quitter. Merci. Ah bon, ben, au plaisir, Cristaline. Pour le moi, le double, c'est une astralisation. On doit communiquer direct. Mais bon, c'est non ressenti. Moi, j'ai assez souffert cette année. Je suis prêt à ça. Ben, peut-être que justement, là, vous allez avoir affaire au double. Parce qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça prend une anthropomorphisation de l'intelligence qui est en dehors de l'ego pour qu'il y ait un contact avec l'ego. Dans le sens qu'il y a certains types d'informations qui sont tellement brutales. Pour l'émotivité, puis justement les programmes au niveau de la mémoire de l'ego, que c'est bien difficile là, d'avoir un contact direct avec ça. Avoir un contact direct avec de l'intelligence universelle, ça brûle l'ego au sens que on peut devenir fou. On peut vraiment, là, il y a des gens, ils sont tombés en psychose, là. Même Bernard, à un moment donné, au début, c'était la panique parce qu'il y avait, à un moment donné, il y avait des suicides, puis il y avait du monde qui se ramassait. Là, il a atténué sa vibration, il a changé des formes parce que c'était trop violent. C'était beaucoup trop violent. Mais c'est correct, c'est le fun, ça, être tanné de niaiser, puis c'est correct, ça. Moi, ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Le double, c'est une astralisation. Ça dépend, c'est qui la perception de la personne, de son double. Parce que le double, c'est juste une entitisation de l'intelligence universelle, entre autres, qui n'est pas dans l'ego, qui n'est pas égoïfié. C'est pré-personnel. Puis c'est au-delà de la coque de la mémoire psycho-affective, la programmation nourrie par de l'énergie émotive. Donc, mais le double, on peut appeler ça de toutes sortes de façons. Ça peut devenir. Il y en a que il va avoir des mécanismes de survie. Ils vont avoir une intuition extrêmement forte à la dernière minute, par exemple, de s'enlever du trottoir, puis comme ça, ils sauvent leur vie. Puis après ça, ils vont dire, ben, mon ange gardien m'a prévenu, j'ai senti la présence de mon ange gardien. Ça peut être ça aussi, le double. L'ego, c'est trop limité, encore. Puis pour commencer, de l'intégration au sens d'une conscience intégrale, faut qu'il y ait de quelque chose qui vient d'en dehors de lui. Parce que s'il fonctionne en circuit fermé, il s'opacifie, devient une coque, il devient un cocon, puis on meurt dedans. Dans le sens, je parle de la conscience, elle s'éteint tranquillement. Comme une bougie dans un pot que vous fermez, qu'il n'y a plus d'oxygène. Ça me répond. Quand j'ai écrit, alors j'efface. Et tu atteins pas. Ben vous avez une possibilité de faire de l'écriture automatique. Il faudrait essayer ça. À un moment donné, je posais des questions. Je faisais juste prendre le bloc de papier, puis le crayon, puis pouf, ça me rentrait. J'avais juste à faire le geste. C'est pas vous avez un certain talent pour ce que certains qui canalisent par écriture automatique. C'est un fait. Moi, j'en faisais pas avant. J'en faisais au sens de la géométrie, des choses comme ça, mais prendre un bloc de papier, là, puis juste faire le geste de griffonner n'importe quoi, puis après, ça active. Puis c'est comme, entre guillemets, comme certains disent, l'information descend. C'est quelqu'un, ça, qui m'a initié à ça. Il m'a transmis cette vibration-là. Mais c'est certain que si ça répond quand tu m'écris, c'est parce que tu as un talent pour l'écriture automatique, ça pourrait être un bon support qu'à un moment donné, il ne sert plus, puis on n'a plus besoin de le faire. Ben, des fois, certaines périodes, on peut recommencer parce que ça fluctue. Hein, c'est sur Cindy, c'est ta vibration, tu n'as pas besoin de. Ben, c'est sûr. Ça te répond quoi, excroissance? Ben, une excroissance, c'est un peu comme un accéléré évolutif. Ça peut être parasitaire, une excroissance, comme ça peut être de l'intégration. Avant d'être intégré, c'est comme, prenez le surmental. Avant qu'il y ait une conscience intégrale, il y a une sorte d'excroissance à la conscience qui va se créer à force de souffrance, puis il va y avoir une objectivation de l'expérience qui va créer un espace d'observation plus objectif. Ça peut être vu comme une excroissance. Là, je veux dire, il y en a qui pensent que les yeux se seraient développés comme ça. Moi, je ne crois pas, là. Mais qu'au début, c'était des excroissances. Au contraire, l'information était déjà dans une autre dimension, si on peut dire. Puis le phénomène d'excroissance va être lié au fait que ça se transfère progressivement parce qu'on est dans du spatio-temporel. Donc, il doit y avoir quelque chose de progressif, mais à part ça. Ça peut vouloir dire plein d'affaires. C'est qui c'est ça, Burton? Burton. Que penses-tu des sigils utilisés avec sa juge? Je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée de ce que c'est. Vous savez, moi, je ne suis pas dans l'ésotérisme, puis je ne suis pas dans les psychologies qu'on avait apparaître dans les années 80, puis je ne suis pas dans la parapsychologie. Ben oui, j'étais un petit peu, mais au niveau de l'universitaire, mais dans le sens, j'ai eu des correspondants, puis j'ai eu des expériences. Mais vous savez, je suis pas dans les groupes, parce que ça, c'est sûrement un terme qui est lié à des. Puis vous savez, je suis quelqu'un de plutôt ignorant, dans le sens que j'ai une connaissance tellement générale que je suis pas spécialisé dans rien. Donc, je sais pas. Là, j'ai pas à écrire, alors je le fais pour voir ce que ça fait. C'est des écrits mis en dessin, une vibration envoyée à l'univers. Oh. Ben, vous savez, c'est l'univers qui envoie des vibrations. C'est parce que là, ça a l'air d'un rituel de retour de l'énergie, là. Comme bénir, ça veut dire multiplier. Mais ça me fait penser aussi à. En tout cas, on est quasiment dans du. Je trouve ça un petit peu. Moi, c'est de la pratique des signaux envoyés à l'univers. Juste votre vibration, c'est un signal. Ça devrait être assez. Donc. Mais je sais pas, sont des concentrations d'énergie en un symbole. Ben c'est ça, c'est une forme qui contient de l'énergie, un symbole. Puis à un moment donné, il va falloir avoir des supports plus subtils que ça. Il va falloir que l'énergie circule librement, en circuit ouvert. C'est ça la reconnexion avec les circuits universels. Puis en attendant, il y a des supports comme ça que moi, mes yeux, il y a quelque chose de petit peu retardateur là-dedans. C'est pour ça que je suis pas fort sur les rituels, puis je suis pas fort sur les symboles, puis je suis pas fort sur les seuls symboles que j'ai étudiés, c'est au niveau de pour des lois d'harmonie universelle, pour intégrer certaines choses de l'univers au sens d'une conscience. Mais à part ça, pendant une période, j'étais baigné jusqu'à l'os dans de la spiritualité. J'étais canalisé par des entités. Aujourd'hui, j'ai une version. Tout contact, même mon dos, une aversion. Ouais, mais là, ça veut dire que vous êtes en train de vous débarrasser d'une façon que d'un réflexe d'entitisation, là. C'est correct. C'est correct. Mais maintenant, ça prend de l'information qui est pas, qui vient pas, qui vient d'en dehors de la conscience. Sinon, on n'a plus une intuition. Puis, ça devient difficile, là, comment comprends-tu les fêtes de fin d'année? Ben, je comprends. Pour rien à cause des rituels, des rites, ça vient ça de l'aspect, ça vient un petit peu du paganisme encore, dans le sens que les cycles étaient vus comme, vous savez, là, comme les solstices et puis tout ça. L'être humain, il a besoin de donner des formes au transfert d'énergie. Donc, ben, je ne sais pas ce que Noël est devenu. J'aime pas bien ben ça. Puis en anglais, le Père Noël, là, Santa, c'est l'anagramme de Satan, ça, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est des affaires bizarres. Il n'y a plus personne qui se souvient que. Si vous dites à un Chinois qui fabrique des décorations de Noël en Chine, que Noël, c'est lié à une religion liée à Jésus, il va être le plus surpris du monde. Lui, il pense que c'est un festival lié à un gros barbu. Puis voyons. Si tu en as besoin, es-tu le créé toi-même? Ben oui. Je vois pas. Merci pour vos réponses. Les forces dites anti-hommes ont été utiles pour l'involution, mais qu'est-ce qui a fait qu'elles sont devenues anti-hommes, étant donné qu'elles sont issues de la lumière? Mais c'est pas conscient. C'est des programmes. C'est intelligent, au sens de structurel, ça fonctionne, mais c'est pas au service d'une conscience intégrale, ça va l'être par. Ça va l'être, ça va finir par l'être, parce qu'on intègre de force. Mais il reste que c'est juste parce que pas conscient, ces forces-là, c'est autorégulé, ça a un instinct de préservation automatique. C'est une psychologisation de forces animales planétaires, entre autres. Il y a des. L'être humain aussi, il donne de l'énergie, puis il nourrit des formes contre lui, parce qu'il a besoin de donner un sens à sa vie. Il a besoin d'antagoniser le monde. En tout cas, il n'est pas encore le protagoniste de son mouvement. Donc, ah, là, je ne sais pas, Arriba. Je n'arrive pas à patcher l'image de Speedy Gonzalez. Ah, ben là, mettez-vous sur. C'est quoi l'autre, là? Il y en a un autre, là, un Speedy Gonzalez, mais c'est son contraire total, là. Slow-mo Rodriguez. Donc, ben non, que je veux dire par patcher l'image de Speedy Gonzalez. Essaye Slow-Mo Rodriguez, puis on verra après. On va commencer par. Mais non, c'est bizarre ça. Les gens, les Mexicains que j'ai connus, ils étaient pas énervés. C'était pas du monde énervé. J'ai jamais compris les Looney Tunes, là, Speedy Gonzalez. En tout cas. J'ai fait appeler mon nouveau chat Speedy Gonzalez. Ah. Je me demande s'il n'est pas arrivé aux États-Unis, dans le sud des États-Unis à un moment donné, des petits rongeurs qui venaient du sud et qui étaient plus difficiles à attraper. Peut-être que ça vient de là, pourquoi pas. Les grands esprits se rencontrent. Ben, ça en est de la sympathie vibratoire, si on peut dire. Mais ça prend un esprit ouvert pour en reconnaître un autre. Donc, ça n'a pas le choix, là. Donc, oui, pourquoi pas. Finalement, c'est ninja. Ah. Mais c'est sûr que les grands esprits se rencontrent. Il y a juste un grand esprit pour voir un autre esprit. Je veux dire, l'esprit voit l'esprit. Je correct. Tu m'as planté, non, j'aime bien son arrivée dans les cartons. C'était l'astral de nos enfances. Oh, je vois pas ça. Il y a de l'astral derrière, mais comparativement à ce que les jeunes ont là, maintenant, là, qui est bien plus, encore plus de la pollution. J'étais inoffensif, là, les Looney Tunes. Puis pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui nous disent, ah, oh, c'était raciste, c'était violent, c'était sexiste, c'était ci, c'était ça. Puis eux, ils sont pires, là. Je veux dire, ils disent ça parce qu'ils sont inconsciemment violents, intolérants, et ainsi de suite. Parce que c'était inoffensif. Si c'est vu par quelqu'un qui est inoffensif envers lui-même, qui s'auto-pollue pas, il n'y a rien de mal là, là. Puis, si je trouve ça moins pire, ces vieilles choses-là, que toutes les conneries là, qui viennent de Corée du Sud, là, puis du Japon, puis des affaires malsaines, puis l'espèce aussi de Marvel, que j'ai jamais eu d'intérêt pour ça, mais ce que je vois là-dedans, c'est que c'est devenu une propagande pour le transhumanisme, les super-héros, puis en tout cas, ils nous jouent dans la tête un peu, là. Mais. Es-tu sensible à la beauté des gemmes d'améthyste ou autres minéraux? Oui. Oui. Mais l'améthyste, c'est pas. Je trouve ça joli, mais ça a pas. C'est au niveau d'un investissement, c'est pas intéressant à acquérir. Pas autant que d'autres minéraux. Mais au niveau de la beauté, oui. Surtout quand c'est un minéral que la couleur est très, très pure. Très, très forte. Il y a une vibration. Mais vous savez, juste des copeaux de sel, quand vous les brisez dans le noir, on peut voir un peu de lumière qui s'échappe. C'est intéressant. Pourquoi la lumière, l'intelligence n'a pas créé un monde? Bon, donc l'intelligence n'est pas intelligente. Non, l'intelligence est intelligente. Mais l'intelligence n'est pas consciente au sens où elle tend à se voir elle-même. À un moment donné. Le système commence à se voir à travers des entités conscientes qui l'ont colonisé en tant que structure. En tant que structure, parce qu'il y a différents plans. C'est ça, là. Il y a une séparation entre l'intelligence systémique universelle puis la conscience individualisée intégrale. C'est juste ça. Le monde n'a pas à être, comme vous dites, un monde créé bon. Là, il y a une polarisation. C'est à partir d'une vision d'un mental polarisé. L'univers ne fonctionne pas selon bon ou pas bon. Il fonctionne selon des forces comme l'harmonie ou la destruction de structures par inharmonie puis transfert de l'énergie. C'est très, très froid. Très, très, très froid. C'est pour ça qu'il y en a qui ont dit la lumière, là, c'est froid. Ben oui, c'est sûr. On part, nous, d'un feu cellulaire animalier en tant que conscience, puis on s'en va vers l'intégration de l'intelligence universelle en tant que conscience mécaniste assez froide. Puis justement, le tour de force, ça va être de fusionner ces deux opposés-là. Donc, l'univers se réchauffe. C'est fait partie des lois, mais ça, on le voit comme ça parce qu'on est dans du spatio-temporel. Il est déjà ni chaud ni froid à la base, donc. ira jusqu'au bout. Un échange. Ouais, les jeunes d'aujourd'hui, de plus en plus dans le cube. Ah, moi, peut-être. Mais même quand j'étais enfant, je considérais que on était là-dedans. Dans le sens, je me souviens quand je suis arrivé au primaire, je regardais les autres jouer par terre avec des petites autos à la récréation. Puis je les regardais avec mépris, jusqu'à ce qu'on se mette à s'interroger sur moi et à me questionner. Puis à la fin de l'année, à ma première année, on était un groupe de 10 qui se promenait à chaque récréation en discutant. Bon, au lieu de jouer par terre, on parlait, parce que moi, c'est ça que j'aimais faire, j'aimais parler. On parlait de ce qu'on pensait de l'école, ce qu'on pensait des professeurs, ce qu'on percevait de ci ou de ça. Je me souviens à un moment donné, je dis, ben, on échange des opinions, puis il y en a un qui m'avait demandé, tu sais quoi une opinion? Puis là, j'avais expliqué ce que je considérais comme une opinion. Mais j'ai toujours trouvé les enfants programmés. Ils sont programmés. Et ils sont pas incités à de l'intégration. Je suis chanceux d'avoir eu des gens comme mon père, la mère de mon père. Puis finalement, je me rendais compte, bon, les enfants, ils sont intelligents, c'est juste qu'ils. Le terreau pour que ça se développe est pas bon. C'est le terreau qui est pas bon. C'est l'environnement qui est. J'ai plumé un néflier. Nostalgie d'Europe. Et la gelée de nèfles bulle tranquillement, alchimiquement. La caramélisation des sucres. Ah ben, monsieur l'alchimiste, il est beaucoup dans le terroir. Dans le terroir. Mais c'est drôle, hein? Je me promène souvent en forêt, mais je n'y suis pas. Pas très connaissant de. Dans le sens. Ben c'est ça. Je suis pas un. Je suis moins rustique, je pense. J'ai un petit côté bourgeois. Horrible. Pourquoi as-tu ignoré par deux fois mes messages envoyés sur les aléphes planétaires et solaires? C'est intéressant de parler de la science du mental, l'idée de perfection de la lutte dans l'harmonie. Ben, j'ai dit déjà ce que je pensais de à le concept. Là. D'Alif, puis je me rappelle pas d'avoir ignoré, peut-être que je l'ai pas vu, mais je sais même pas ce que ça fait dans le supramental à faire des alifs. Moi, l'alif, j'ai étudié ça quand j'ai étudié que par correspondance avec une kabbaliste. Ça fait longtemps, là. J'avais même pas lu rien de Bernard encore. Pour Bernard, dans ce temps-là, je l'aimais pas. Pour moi, c'était le bonhomme qui avait fait perdre de l'argent à ma grand-mère en lui faisant investir dans un resort en Haïti. Puis quand elle est assez choquée, puis elle est allée le voir, puis qu'elle a voulu comprendre ce qui se passait, il a dit qu'il était possédé par des forces animaliennes. Puis finalement, quand il est mort, je me suis dit, mais allez le voir un jour, Bernard de Montréal, puis je vais lui dire ce que je pense de lui. Puis finalement, quand j'ai été prêt à le faire, il était mort. Donc, déjà en observation, entre un bac à sable et une partie de billes. Tout jeune, courir après une boule. J'ai jamais joué au pays. Ah non, quand j'étais enfant, je voulais pas dehors m'asseoir par terre comme les autres parce que je trouvais que c'était indigne de moi. J'étais déjà vaniteux puis orgueilleux. Même quand on nous faisait asseoir dans une salle d'un gymnase là, pour des réunions d'école, puis je leur dis au professeur, j'ai dit la vadrouille aimait mieux d'avoir été passée parce que moi, de toute façon, on n'est pas du bétail. Puis je leur parlais comme ça, là. À 7 ans, 7, 8 ans. Ils ont eu bien de la misère avec moi. En tout cas. Vampire énergétique, peux-tu en parler? Ben oui, c'est du monde qui vont activer des programmes qui vont vous faire perdre de l'énergie. Puis souvent, c'est inconsciemment qu'ils font ça. Donc, mais c'est un sujet parmi beaucoup d'autres. Mais oui, il y en a des vampires énergétiques. Puis même, ça n'a pas besoin d'être. Il y a du monde, là, vous faites juste parler un peu avec, puis vous n'avez plus d'énergie après. Mais c'est simplement, ces gens-là n'ont pas de centre, ils n'arrivent pas à se générer eux-mêmes, puis c'est au contact des autres qu'ils vont se régénérer, si on peut dire. Mais c'est pas nécessairement, spécialement, c'est pas du mauvais monde, là, nécessairement. Mais oui, il y en a. Mais là, ça dépend, vous parlez de vampires énergétiques dans le plan matériel ou. Parce qu'il y en a de toutes sortes. Il y a même de la faune qui est comme ça. Dans le sens qu'on ne voit pas, là. Mais même là, ça tombe dans des sujets, vous faudrait en parler juste de ça. Il va falloir retourner un peu au rustique ou à la crypto. Ah, je sais pas. Moi, j'ai encore espoir d'un jour avoir une belle grande demeure avec des beaux fauteuils. avec une belle cheminée qui n'aura pas d'environnement talus pour m'empêcher d'avoir une belle cheminée. Puis, on verra. Puis si je suis obligé de retourner à du rustique, bon, ben, je suis capable aussi. C'est juste que j'ai pas le désir de... Bonsoir Berthold, contente de te voir. Aurais-tu quelque chose à dire sur la vision double? Ben oui, ben juste l'intuition, c'en est. Une forte intuition, c'en est. Vous pouvez aussi avoir des flashs d'autres lieux, mais ça passe par l'âme, c'est lié à l'âme, lié à la mécanique de l'âme. Parce qu'il y a quelque chose qui nous rattache collectivement à travers nos âmes individuelles, à ce qu'on pourrait appeler une âme collective. Mais c'est des gens très, très sensibles qui ont ça, puis c'est quelque chose qui doit s'exercer. Donc, c'est ce que je veux dire. Maintenant, j'ai tenté de me magnétiser devant un miroir hier soir, mais j'ai raté mon coup apparemment. Pas moyen de trouver des vidéos au Korovitz où je t'écris pas comme il faut. Bon, ben, c'est peut-être chercher, voyons, comment ça s'appelle. Maudit, j'ai une mémoire. Le livre que Korovitz a écrit, là, ben, lui, c'est un juif polonais. Puis son livre, c'est. La suggestion mentale. Vous cherchez son livre, La suggestion mentale, puis il donne dedans toutes les bases. Peux-tu expliquer la colère mentale? Wow. Ça va trop vite. Il va falloir que je vous laisse à un moment donné. Il faut que j'aille faire une commission. Peux-tu expliquer la colère mentale dans les rapports de force, vu qu'elle n'est pas émotive ou prend-on l'énergie dans la tête? Ça n'a pas rapport, là. Si vous avez une approche trop anthropomorphique, la colère mentale, elle va être engendrée par une objectivité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une observation de votre souffrance expérimentale, mais en dehors d'elle, au niveau d'une partie. C'est pas lié à votre tête ou... c'est pas un espace physique. C'est juste l'objectivité au niveau de votre perception. Ensuite, la vue de ce qui n'est pas ajusté va faire accumuler de l'énergie dans un espace qui ne va pas s'écouler dans de l'émotivité. Cette énergie-là va être disponible pour transformer votre condition, être plus créatif, puis empêcher des choses qui vous nuisent ou qui vous retardent. J'ai eu 2-3 captations ce dernier jour. Je vais poster 2 secondes déçu que David ait jeté ses livres juste pour le matériel. Moi, ben ça lui appartient. C'est au niveau de c'est au niveau de sa perception à lui puis de son vécu à lui. Donc, on n'a pas à être déçu. On n'a pas à être déçu. Là, sinon, on tombe dans un piège qui n'a pas d'allure. Parce que ce n'est pas de nos affaires. C'est pas tes livres qui a jeté au vidange. Dans le sens que David, il est en train de vivre un processus de densification de son identité propre. Puis possiblement que par après, il va avoir sa parole plus à lui. Il va parler plus clairement. Ça va être plus fluide. Il va avoir encore plus son propre vocabulaire. Puis il va faire de moins en moins référence à Bernard ou moi ou Marc de la Salle. Il n'aura plus besoin. Puis c'est là, David va devenir son propre maître. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de maître. Un maître, c'est tout le temps à l'extérieur. C'est au niveau de l'intérieur qu'il agit comme ça. Puis il y a besoin encore d'accomplir un geste. Il y a besoin encore de faire des choses d'éclat, de fracas dans sa vie. Puis c'est correct. Puis ça ne nous regarde pas. Mais c'est lié, il est en train de se recentrer, il densifie son identité réelle. Mais ça passe par des choses comme ça encore, mais c'est correct. Il n'y a pas de problème là. Moi, en tout cas, je n'ai pas de problème avec ça. Douleur dans le cou et après dans le dos. Est-ce que c'est lié à la déprogrammation qui va m'amener vers un contact? Ça pourrait, mais c'est possiblement lié aussi à des postures puis à des gestes répétitifs. Vous savez, des fois, c'est juste lié à l'ergonomie musculaire là, du corps. Donc, moi, j'ai des douleurs dans le cou, des fois. Là, j'en ai plus depuis un bout de temps. Mais je sais que c'est lié à ma façon de vivre, entre autres, puis à de la tension, puis à un nerf. Qu'à un moment donné, j'ai eu un accident, ça a créé une luxation. Donc, pas non plus donner un sens à tout. Des fois, la mécanique est juste mécanique. Puis s'il y a possibilité d'intégrer ça, puis de prendre plus soin de soi, puis d'intégrer l'intelligence des fonctionnalités du système nerveux, puis du corps, ça devient de l'intégration de conscience quand même. Donc, vampire énergétique, comment s'en protéger? J'espère que ça n'est pas... Ben, si c'est des gens comme ça, c'est d'avoir moins de contact. Moi, quelqu'un qui me tient mon énergie, je vois pas... Je vais pas chercher à... Puis je vais être plus autoritaire avec. C'est comme quelqu'un qui me tire mon énergie puis qui me dirait « Ah, faut que je vienne te voir, te parler de choses. » Ça se peut que je dise « Ben, j'ai pas le temps. » Puis là, je vais te le dire quand j'ai le temps, puis je vais prendre une journée que j'ai plus d'énergie, là. Puis il faut que vous ayez... Au niveau d'un rapport avec les autres, il faut que vous ayez un contrôle de votre propre énergie. Le vampire énergétique, il ne peut pas vous prendre d'énergie sans votre consentement inconscient, si je puis dire. Vous savez, dans les vieux contes, là, le vampire, il ne peut pas rentrer dans votre maison. Il faut qu'il vous demande la permission. Puis c'est inconsciemment parce que les gens ne savent pas que c'est un vampire qui vont dire oui, entrez. Il y a une certaine intelligence derrière ces vieilles formes-là, dans le sens que ça exprime inconsciemment certaines choses qui sont en partie réelles. Donc, juste, de toute façon, on est dans un monde vampirique, sur une planète vampirique, puis on apprend à gérer de l'énergie, dans le sens qu'il y a un transfert de la gestion des programmes à une conscience intégrale, tranquillement. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient à bout de vous vampiriser, c'est parce que vous vous mettez en condition que ça arrive. Puis c'est d'être tanné de ça, l'écœurement, d'être fatigué de ça, puis de vous rendre compte que ça vous nuit, qui va vous aider à intégrer une science de gestion de votre énergie à vous. Dans le sens, c'est pas normal que votre énergie vous quitte pour aller vers des structures de d'autres personnes. C'est pas... En plus, souvent, ces gens-là eux-mêmes n'ont pas une gestion ergonomique consciente de leur énergie, donc l'énergie qu'ils prennent aux autres, ils la perdent à mesure. Ils peuvent pas. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Quelqu'un qui n'a pas une conscientisation de la gestion de son énergie ne peut pas l'avoir de celle des autres. En tout cas, c'est tout vu. Ben, le feu de bois. Là, j'ai perdu des choses, là. Le feu noble. Comme t'en parlais l'autre jour. Ah, peut-être. J'ai juste encore des. J'ai vraiment des goûts. Ça a pas, ça, dans le fond, j'ai pas d'allure. Vous savez, comme je suis un pas d'allure. Ça a pas de bon sens. Moi, mon rêve depuis que je suis enfant, c'est de recouvrer un certain mode de vie dont j'ai la mémoire. Puis c'est vraiment parasitaire, en tout cas. Mais moi, j'ai besoin d'être ça pour. À mes yeux, c'est... Bon, j'ai toujours voulu avoir une vraie cuisine, là, vous savez, avec un bloc de boucher, puis avoir une vraie salle à dîner, puis bon, une vraie maison, là, parce que je suis quelqu'un qui aime ça, les grandes pièces, puis j'aime ça, les... Bon, puis en plus, je suis super, au niveau formel, je suis super conservateur, j'ai des goûts rigides, puis... austère dans le sens de sévère, là, pas dans le sens de dénudé. Mais bon, en tout cas, j'ai quelque chose d'un. Je n'ai pas de bon sens. La technique de la main gauche, qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, c'est des techniques. C'est lié à l'animalité. C'est lié à des techniques liées à l'animalité. Entre autres, comme les énergies magnétiques des différents centres du corps. C'est ça, la voix de la main gauche, entre autres. Puis, à un moment donné, il va falloir quitter ça parce que c'est encore au stade chamanique, c'est pas intégré. En tout cas, mais il y en a qui sont là-dedans. Donc, quand on n'a pas encore pigé quoi, moi, je le sais, ben, dans le sens, je connais mes défauts. Je connais mes défauts, mais à mes yeux, c'est aussi des qualités. C'est aussi des qualités. Parce que je trouve qu'on vit à une époque où c'est du mauvais goût tout le temps, tout vibre bas. Il faut aller quelque part vers le beau, le solide, le concret. Et je ne veux pas le polariser tant que ça. Parlons énergétique, renforcement endoctrinien. Le mot vibration est trop astralisé. Ah ben là, c'est bien dommage, mais il y a une réalité vibratoire dans l'univers. Toutes les vibrations, tout, tout, tout, tout, tout. Même Tesla avait, tu sais, c'est le secret de l'univers, le vibratoire. Puis on va aller vers des technologies qui redécouvrent ça, puis ça va devenir des faits scientifiques. Les ondes radio, puis ces choses-là, au fond, juste, même une fois que vous quittez une physique des particules, à un moment donné, il y a juste des ondes. C'est en partie ça, le vibratoire aussi. Donc, vibration intra-astralisée, oui, parce qu'il charrie de la mémoire de tous les gens qui parlent de vibration, comme les madames ésotériques qui sont dans des boutiques de cristal qui disent ah, les bonnes vibrations. L'énergie, elle n'est pas polarisée à la base. Donc, bonne, mauvaise, parce qu'ils sont dans la polarisation de leur mental. C'est de la spiritualisation, oui, à ce niveau-là. Mais moi, je n'ai rien contre le vibratoire. C'est la clé. C'est l'ultime réalité. C'est en partie ça, le réel. Puis, pour comprendre ce qui est densifié, il faut voir au-delà et intégrer les lois de ce qui est au-delà. Donc, après, c'est l'autorité intérieure et au pire, Bruce Lee dans la densité. Moi, Bruce Lee, moi, je l'aime plus ou moins. Je trouve qu'il était arrogant. Il a fait du trouble. Il y avait, oui, c'est correct, je veux dire, il y a du bon, il a fait sa job. Je sens surtout un jeune homme arrogant qui a fait du trouble puis qui était vaniteux de bien des façons puis qui a nui beaucoup à ceux qui lui ont transmis certaines choses, qui les ont remis à sa sauce à lui. Mais ça, faut pas m'écouter là-dessus parce que j'ai quelque chose d'un vieux Christ, quelque chose d'un vieux traditionnaliste, là, fait que c'est sûr que j'ai pas le choix d'être un peu en conflit avec quelqu'un comme lui, mais ça fait partie de ma programmation à moi. Mais à mes yeux, c'est la version hippie du Wushu. C'est une version hippie. Dans le sens que c'est un jeune impétueux. Puis il peut bien être mort jeune, c'était écrit dans sa face que ça allait. Il y a des incrustions, des incrustations d'images pendant tes lives. Ah oui. Êtes-vous schizophrène? Donc, je ne mets pas d'image. Ah non, je ne vois pas d'image. Ben là, peut-être au niveau d'un écran mental, il y en a qui voient des images, mais ce n'est pas supposé être juste pendant mes lives, ça. Ça, ou se faire pomper jusqu'à la mort pour certaines programmations. Oui, mais il y a des programmations qui permettent. Vous savez, là, l'homme nouveau, c'est un être qui va être son propre programmateur. Être créatif, c'est être son propre programmateur, être capable de se servir des programmations plutôt que de leur servir inconsciemment. Donc, là, faut pas le polariser dans le négatif, les programmations. Mais c'est correct pour certaines programmations. Mais si c'est intégré consciemment, ça peut plus arriver. L'homme est testé sur le plan matériel car il doute de sa certitude. Alors, le doute. Mais les deux sont dangereux. La certitude, c'est aussi dangereux que le doute, parce que les deux, c'est de la subjectivité. Parce que la certitude, dans son ultime pureté, c'est une vue claire du réel. Donc, quelqu'un qui est obligé d'être certain, c'est parce qu'il est psychologique un peu. Donc, avoir la certitude de sa conscience, c'est être entrer dans son savoir. Ça, comme ça. Un homme libre, rien arrive, même si tout arrive. Ah, ça fait taoïste un peu, ça. Oui, ben j'aime ça, c'est fun. Ben oui, mais ça pourrait même être dit par Moreau, là. Je suis passé par là aussi. Nous tous, avec chacun, forme propre, en jetant, rejet de l'extérieur. Bouf. L'affaire, c'est pas de rejeter l'extérieur, sinon vous pourrez rien apporter. Dans le sens que si je rejetais réellement l'extérieur, je ne serais pas là, là. Puis, la plupart des gens qui me finissent par m'approcher, ben, vous savez, c'est comme le chat. À un moment donné, je suis obligé de couper puis d'éloigner parce que les gens deviennent, ils m'aiment trop. Puis, même je vais être porté à me rendre plus antipathique que je le suis. Pour avoir la paix, un peu avoir la paix. Mais je n'ai jamais rejeté l'extérieur. C'est juste qu'au niveau d'une gestion puis d'une identité propre, Et à un moment donné, on ne peut pas être absorbé par l'extérieur, c'est-à-dire devenir le fruit des influences. Comment reprendre le plaisir dans la matière? Ben, ça, je ne sais pas. Ben, aujourd'hui, si vous aimez le travail bien fait, c'est déjà bien ça. Puis si vous êtes très présent dans ce que vous faites, vous allez vous en foutre d'y prendre du plaisir ou pas. Quelqu'un qui est réellement dans ce qu'il fait, là, centré dans ce qu'il fait, c'est pas du plaisir, là, c'est une présence harmonieuse en mouvement. Donc, on quitte l'aspect animal de la polarisation, plaisir-déplaisir. C'est pas nécessaire, là, d'avoir tout le temps du plaisir. Juste avoir la paix, c'est plaisant. C'est sortir au moins de la recherche du plaisir. Colère mentale égale prise de conscience, observation, plus prise de décision actée sans tomber dans l'émotionnel. Oui, mais si vous voyez très clairement ce qu'il y a de plus logique à faire, vous n'aurez plus à prendre de décision. Vous allez voir ce qu'il faut faire, très clairement. Parce que ça, on perd du temps à prendre des décisions, moi je trouve. En fait, c'est pas nécessaire de prendre des distances de façon aussi catholique dans la polarité. Oui. Moi, j'ai rien contre les catholiques. Vous savez, moi, je préfère voir les gens aller à la messe que de courir des tireuses de cartes puis des astrologues. Mais ça peut être une phase dans la vie de quelqu'un. Marc de la Salle, c'est un bon pour toi? Ben, moi, j'ai tout le temps eu des bons rapports avec. Les fois où je lui ai écrit, puis où ce qu'il m'a répondu ou, par personne interposée. Mais je ne l'ai pas écouté beaucoup, puis je ne l'ai pas lu beaucoup. Mais à chaque fois que je l'ai écouté, c'était correct. J'avais rien à redire. Vincent. Constat réel, OK, mais bon. Ah, vous avez parlé à monsieur Vincent. Bonjour, supraconscience et supramental, quelle différence? Ben, le supramental, c'est un phénomène de l'intelligence qui arrive d'en dehors de l'ego. C'est une même, je dirais, un ensemble de phénomènes. C'est une vibration aussi. C'est vibratoire d'avoir un rehaussement énergétique de toutes les corps, c'est-à-dire même l'intellect. À un moment donné, il devient tellement surchargé, il fonctionne tellement vite qu'on se rend compte qu'on n'en a pas vraiment besoin. Tandis que la supraconscience, c'est une conscience objective au-delà de l'intellect. Mais c'est lié. C'est des phénomènes liés. Mon pseudo se dit Ekaloren. FKLoren. FKLoren. OK. Ah oui, ben j'avais dit Lorine. Ouais, j'étais pas sûr. Voilà la captation. L'homme nouveau dénonce l'astral à travers la forme sans la noter, par cette autorité intérieure ayant. En ce, par cela, la forme est ce qui la tricote s'en trouve neutralisée. Oui. Mais dénonce, là, il y a quelque chose là-dedans, dénonce que j'accroche. Aussi la forme. Il faut que l'énergie qui était densifiée dans des formes soit réacheminée. Puis finalement, ça devient être créatif, c'est d'être capable, d'avoir la capacité justement d'être le constructeur, dans le sens de faire, refaire, puis selon justement ce qui est le plus harmonieux au niveau d'une gestion ergonomique de l'énergie, je dirais. Donc pour ça, ça prend une intégration des lois de l'énergie au-delà de la forme. Donc, jusqu'à un certain point, l'homme nouveau sera son propre programmateur, il sera créatif et ainsi de suite. Mais là, ça devient du radotage un peu de ma part. J'ai de plus en plus l'impression que ce chat prend les aspects d'un salon bien-être. Ah, ouais. Ah, ouais, vous trouvez ça, vous? Ah, ben, j'ai peut-être manqué ma vocation. Pourquoi est-ce que j'ai pas ouvert un spa en Suisse? Non, je pense que aucune idée. Mais je m'ajuste aussi là, à mes invités, on peut dire. J'ai le ressenti des fois d'être blindé d'énergie et je me couche le soir blindé. Le matin, je me lève, j'ai le sentiment d'être vidé, alors que le sommeil devrait être réparateur. Ouais, ça, c'est des phénomènes. Ça voudrait dire qu'il y aurait des conflits inconscients. Puis que vous revisitez ça pendant la nuit sans vous en souvenir. Parce que c'est pas normal, T'as des goûts de prince du Siam, crime non. Si vous saviez comment je trouve ça laid, les. Ah, ça, c'est le genre de choses, je devrais pas tomber là-dedans, les goûts et les couleurs, mais tous les palais en Thaïlande, je trouve pas ça beau. J'aime pas la dorure, j'aime pas j'aime pas l'ornementation surchargée, c'est pas mon genre. C'est pour ça que je vous dis, j'aime ce qui est massif mais austère dans le sens de simple. J'aime les boiseries foncées, les carrelages de pierre, les choses simples, quand même assez simples, mais massifs puis solides. Mais non, moi, les affaires, là, les toits avec de la dorure, des choses comme ça, je suis pas capable, j'ai horreur de ça. J'aime pas le style, ces styles-là, ou même, vous savez, là, les Khmers puis ces cultures-là. Non, j'aime ça, ce qui est assez simple, là. Même, bon. Ce que j'aime, là, je vais vous le dire, là, ce que j'aime le plus, là, c'est le style Second Empire, mais la version nord-américaine du style Second Empire. Les années 1890 jusqu'à 1914. Ça, c'est des belles maisons. Ce n'est pas faux que l'homme. Je m'excuse, je me trouve bien comique. Ce n'est pas faux que l'homme soit testé, mais c'est aussi le testeur, l'ingénieur cosmique qui s'ignore, oui. Ben, c'est pour que l'ego se voie lui-même. Le test est toujours pour l'ego. Donc, c'est une question de brûler la pollution dans l'ego, les tests. Puis aussi, il y a quelque chose d'une pratique. Je vais vous laisser bientôt, là, parce que j'ai une commission à faire. Voir au-delà de la polarité, qualité, défaut. Ben, moi, mes yeux, c'est une aptitude. Vibre en ces mots que j'ai trouvé pour l'exprimer. Ah. La certitude. Ouais, la clarté d'une vue, c'est encore mieux que la certitude. Il y a un recentrement psychologique que je trouve dans la certitude. Mais oui, au-delà de la certitude, il ne peut pas faire autrement que d'avoir une certaine vue. Mais des fois, vous savez, là, comme par exemple, il y a des gens là, dans des sectes qui ont de la certitude. Donc, c'est pas assez à mes yeux. C'est une certitude psychologique, donc c'est de quoi on parle. S'il te reste un peu de jus à la fin de la journée avec toute l'énergie que tu dilapides. Moi, ouais. Pour Dark Emis, Bruce Lee, je connais pas. Il a quand même catché l'astral. Moi, je trouve que non. Ben, je trouve que non. Il était très philosophe, hein? C'est un philosophe, hein? Bruce Lee. C'est réellement un philosophe, là. Au sens classique du terme, si vous le lisez, vous vous rendrez compte de ça. Et pourtant, je ne l'ai jamais dit. J'ai l'impression de m'être déjà chicané avec lui. Bon, en tout cas, quand je suis en phase, non, c'est le remix d'une autre chaîne. Ah. Quoi, ça, ma chaîne? Pas faux pour le catcheur de l'Astral. Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il s'est fait pogner ben gros à son propre jeu, puis je trouve que ses films sont pas bons, que c'est un acteur médiocre, que en plus, il est allé tremper avec des hosties de cave de triade. Il était l'espèce d'obsession de. Si je me souviens bien, ses parents avaient fait de l'opéra cantonais et il l'avait appelé. Ben là, c'est en cantonais, mais son nom véritable signifiait retour. Parce qu'ils espéraient qu'il fasse le contraire de ce qu'il a fait. Donc, d'une certaine façon, s'il a catché l'astral, c'est inconsciemment. Parce que d'une certaine façon, il n'a pas été séculaire, lui. Il était le contraire de ses parents. Mais pour moi, c'est un petit bum, Bruce Lee. D'ailleurs, le chat, mon chat, je l'avais appelé, vu que je l'ai connu, je l'avais appelé petit bum. Mais non, c'est un petit mauvais garçon là, qui aimait se tirailler. Là, il y a eu beaucoup de dossiers de police, notamment à Hong Kong. Puis. En tout cas, il y a du monde qui cherche. Hein, il se cherche. Puis lui, il se cherche pas mal. Le mouchiste, quand tu es au point de. Hey, Dark Emis, je vois juste toi de partout. Comprends pas. J'ai pas vécu à moins 6 qu'on a eu hier depuis. Ah oui. Ici en ce moment, il fait un peu plus froid que ça. Des fois, dans mon coin, quand j'étais tout petit, des fois, il faisait jusqu'à moins 50. Puis même avec le vent, là, ça pouvait atteindre là, au ressenti moins 60. Vous preniez un verre d'eau, là, vous lanciez ça dans les airs dehors, puis ça devenait de la neige automatiquement. Puis je me rappelle, là, vous pouvez marcher juste 5 minutes au vent, puis avoir des engelures. J'adore, mais là, c'est fait de plus en plus chaud, malheureusement, dans mon coin. Tu peux expliquer de façon intelligible au plus grand nombre? Ah, peut-être. Nikola Tesla dans l'astral, ben, je le considère qu'il était en contact avec le systémique. Il y a un autre. Donc, hey, il y a trop de monde qui écrivent Dark Emist, tu me bourres le chat, puis là, je perds plein d'affaires. Est-ce que tu parviens à comprendre ce que tu dis ou des fois après? Là, je suis un peu perdu, là. Dans le clavardoir. Oui, des fois, je comprends pas ce que je dis sur le coup. Après, je comprends. Pourquoi on vit du danger? Les sens sont davantage en éveil, on se sent plus vivant. Oui, ben, ces vieilles mécaniques-là, animaliennes, qui ont été créées pour la survie, à un moment donné, il va falloir les intégrer. La peur est là pour créer un mouvement de préservation qui pallie à une compensation pour de la conscience. Donc, pourquoi avons-nous peur? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc, ça nous force à agir pour nous sauver. Mais c'est quoi la plus grande peur? La peur du vide, la peur de l'inconnu. La peur égale absence d'information objective. De toute façon, il y a de l'information objective. Si vous entrez en contact avec, ça va devenir de la terreur. Parce que si on se rendait compte du réel avant le temps, ben, tu ne fais que parler de ton expérience. Ça manque d'intérêt du point de vue de l'intelligence. Ben, ça, c'est ton avis. Tu veux que je parle de l'expérience de qui? À moins que tu t'adresses à quelqu'un d'autre. Mais ben, je ne parle pas juste de mon expérience. Je ne peux pas parler de l'expérience d'un autre. Sinon, je vais être subjectif, là. Je peux parler aussi de ce que j'ai vu, dans le sens de ce que le parcours de gens que j'ai connu. Des mécaniques que j'ai pu intégrer, mais je peux pas parler de. Puis là, c'est un chat, là, c'est un live, là. D'ailleurs, je t'avais dit de quitter, là. Point zéro égale neutralité émotionnelle, en adéquation avec l'élaboration mentale aboutie par verbalisation, acte ressenti, ajustement, le corps et l'esprit. Il faudrait que je me penche là-dessus. Point zéro égale neutralité émotionnelle, ben, ce que j'appellerais un centre, une vraie centricité. Il va y avoir de l'émotionnel, mais elle ne sera pas nécessairement mobilisée. Il va y avoir une gestion consciente de l'énergie émotionnelle en adéquation avec l'élaboration mentale aboutie. L'élaboration mentale. Il faudrait savoir ce que vous voulez dire par là. Par verbalisation. Est-ce que verbaliser, puis l'exercice de la parole, est-ce que ce serait. Je sens pas la même chose derrière, mais. Bon. Je peux parler que. Bon. Ah, ben, c'était pour Dark Emist, OK. En fait, je parlais de David qui a pris des distances polarisées pour son individuation en jetant de ses choses. Ben oui. On peut prendre des distances plus douces en les mettant en storage. Ben ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun, puis du vécu de chacun. Puis c'est sûr que ça a l'air violent un peu, comme s'il se faisait violence. Mais je pense pas qu'il. Vous savez, il y en a qui sont. Ça dépend de chacun. C'est pour ça que ça vient. Délicat, là. Des distances polarisées. Je lui ai écrit, ah, puis c'est comme ça que. Mais polarisé, non, je pense pas. C'est par rapport à lui-même, hein, qui fait ça. Pas par rapport à Marc de la Salle ou par rapport à Bernard ou à moi, là. C'est par rapport à lui-même qu'il fait ça. Dans le sens qu'il ne veut pas agir comme un disciple, alors qu'il n'y a aucune de ces personnes-là qui était un maître. Dans le sens que c'est sa propre subjectivité qui va se défaire. puis qu'il y a un effort d'intégration dans le sens que c'est bon signe quand même. Le seul maître là-dedans qu'il y avait, c'est Moreau. Ça, c'est un maître. Puis bon, en tout cas, faut pas que je parte là-dessus parce que faudrait-il commencer à s'écouter avant de s'entendre? Ben, pour qu'il y ait un échange, il faut que l'autre soit vu. Bon. Selon toi, quelle était la fonction des pyramides d'Égypte ou celle d'un homme? Ben non. J'ai jamais cru que ça avait été bâti par les Égyptiens. Alors, je pense que oui, certaines autour qui ont été reprises par les Égyptiens qui ont essayé de copier. J'ai pas vraiment envie de tomber là-dedans, là. C'est des affaires. On va faire quoi avec ça? Je veux dire, admettons là, que on canalise et on trouve c'est quoi la vraie fonction. On fait quoi maintenant avec? Moi, je considère que ce sont des condensateurs. Puis regardez le plateau de Gizeh comme une sorte de puce électronique, mais avec des circuits. Une petite clé comme ça. Puis aussi lié à des mécanismes hydrauliques à l'intérieur. Pensez là à certains types de batteries. Mais à part ça, j'ai pas envie de. Moi, là, les affaires de pyramide, là. Et le monde, ils se sont tellement décentrés avec ça. Il y en a sont devenus obsédés par ça. Mais oui, mais là, maintenant, on fait quoi avec ça? Pourquoi on est dans une civilisation tellement arriérée? Comment est-ce que quelqu'un peut même dire ça? Quel est le point de référence pour venir dire que notre technologie actuelle est extrêmement rudimentaire? Après, peut-être qu'on pourra. T'as pas développé sur le fait que je perds en énergie durant la nuit parce que je sais pas, j'ai tellement de monde qui écrivent que. Mais comme je vous le dis, et possiblement, vous faites des rêves liés à des conflits, liés à votre vécu, liés à des choses qui ne sont pas parvenues à la conscience. Puis la nuit, vous essayez de régler ça, puis vous perdez de l'énergie ou vous revivez des vieux conflits. C'est certainement lié à votre vécu. C'est certainement lié à un vécu psycho-affectif lié à, dans votre enfance. Puis possiblement, parce que c'est bien beau de dire, ah ben là, il y a les plans, puis il y a des entités, puis là, il y a des entités qui viennent la nuit là, se nourrir du monde. Puis, ouais. Là-dedans, il y a une sorte de rationalisation. Qu'est-ce qui nous rend, qu'est-ce qui fait que les gens sont vulnérables à ce genre de choses-là? Il est là à la base de ça, le problème. Donc, c'est surtout lié, d'après moi, à des choses dans votre vécu qui ne sont pas réglées ou pas intégrées. Vous avez dit l'autre jour que tout le monde a déjà eu un contact. Ben oui. Quelle différence de forme prend ce contact chez les gens de la cinquième race, racine et ceux de la sixième? Ben oui, mais c'est parce que la sixième race, c'est un autre palier dans le sens que ça va être intégral. Ça fluctuera pas. Puis, une fois qu'il va avoir une fusion avec l'esprit, ben là, l'être humain va connaître d'autres nouveaux problèmes. Il va quitter les problèmes psychologiques pour entrer dans d'autres types de problématiques. Puis là, il va falloir qu'il intègre son contact avec l'intelligence universelle au-delà de l'esprit. Parce que c'est pas parce qu'il y a un contact avec l'esprit que c'est intégral. Il y en a qui ont des contacts avec leur esprit, puis ça détruit leur vie. Parce que l'esprit, c'est intelligent, mais c'est pas conscient. Dans le sens, c'est pas de la conscience incarnée égoïque, là. Fait que c'est pas tout le temps ajusté à la vie. Pourtant, ça fait partie des lois de la vie en évolution, mais il y a une partie de la gestion qui doit être transférée dans l'ego un jour qui va s'objectiver. Donc, il va falloir réaliser à un moment donné que l'esprit est pas humain, dans le sens que c'est pas. Il y a des gens, ils sont assujettis, ils arrêtent d'être assujettis au psychologique, ils arrêtent d'être assujettis à l'astral, puis ils tombent assujettis à l'esprit. Puis là, ça devient des espèces de savants fous. qui sont complètement dispersés. Puis oui, ça aboutit à des découvertes extraordinaires. Oui, ça aboutit à des sciences extraordinaires. Ça aboutit à toutes sortes de choses merveilleuses. Mais ça aboutit aussi à du monde qui finissent à la remorque quand même de leur expérimental, parce que c'est une forme d'expérimental pareil. Donc, on va juste sortir. C'est un autre palier. C'est un autre palier de ce qu'on pourrait appeler, c'est une autre humanité, dans le sens que il va y avoir moins d'intellectualisation. Il y a des problèmes intellectuels, comme par exemple, si vous prenez dans le temps, là, au 13e siècle, ils s'astinaient sur le problème des universaux. Puis là, les scolastiques, là, les philosophes scolastiques, aujourd'hui, vous expliquez à quelqu'un c'est quoi la querelle des universaux, puis ils trouvent ça ridicule. Bon, ben, il y a bien des choses qu'on se pose comme question maintenant, que des conflits qu'on a maintenant, des querelles que nous avons maintenant au niveau de l'intellect, qu'il va juste avoir un changement de palier drastique. Bon, les gens de maintenant vont passer pour des fous complètement ridicules, qui s'astinaient sur des conneries. Voyons, il y a eu un débat à un moment donné au niveau de théologie en Espagne, à savoir est-ce que les habitants de l'Amérique du Sud ont une âme? Il n'y a personne aujourd'hui qui ferait un débat là-dessus. C'est con. C'est con, Chris. On est des cons. On est tout le temps des cons. Fait que c'est quoi la cinquième race racine? C'est sûr que la sixième vont trouver con. Mais d'une façon drastique, il va même avoir une coupure au niveau mémoriel. Donc, il faut souvenir des cons pour dire qu'ils sont cons parce qu'on ne se souvient pas de la quatrième. Mais c'était vraiment des cons. Des techniques puis des savoirs extraordinaires, mais c'était des cons parce que l'intellect n'était pas là. C'était des espèces de divinités animaliennes incarnées dans des corps. Dans le sens des démons, là, presque. Là. Du monde de même, ça n'a pas de. C'est ça, de la barbarie. Il reste des échos de ça. C'est des civilisations barbares, mais sophistiquées. Puis plus tard, on va passer pour des barbares sophistiqués, comme ça a toujours été. Il y en est pareil, des petits cycles dans les heures, comme par exemple les différentes époques, puis les races, racines. Tous les Juifs, on se fait violer. Il faut recommencer à vivre chaque jour. Vous parlez de la circoncision. Ouais. Ah, toutes les nuits, y compris tous les Juifs, je m'en vais fatigué, là, c'est le temps que j'aille faire. Je me dis, voyons, que c'est ça. Il faut recommencer à vivre chaque jour, ben violé, ça dépend. Je me sens pas violé la nuit. Ben franchement, peut-être que je me fais violer, mais j'en souffre pas, en tout cas. La clairvoyance au sens. De toute façon, tous les jours, si vous voulez là, dire c'est quoi l'affaire, là, violer toutes les nuits, on se fait violer tous les jours au sens où on est tous les jours à s'identifier à des pensées qui ne sont pas objectives, qui ne viennent pas de nous. Tous les jours, on est là à repenser à du vieil expérimental, puis à perdre de l'énergie. Oh, la foi qu'un tel avait dit telle chose, puis tout le monde en est violé tout le temps. C'est pas juste la nuit. Puis peut-être, bon, Camilterien, je réponds. Apprécies-tu les stoïciens beaucoup plus que les épicuriens? C'est certain. Mais ça reste de la philosophie. J'aime encore plus les cyniques. Pourtant, ils n'ont pas d'allure. Mais c'était des athlètes de l'expérimental. J'ai entendu dire ça. Aujourd'hui, il y a fêté l'Astral, c'est pas Bernard, si j'ai pas. Si tu dis pas de conneries. Ben oui, ben fêté là, juste le définir puis en parler. Donc, oh mon Dieu, il y a donc ben du monde. Il y a bien trop de stock, j'aurais jamais. Va falloir que je laisse, mais je pourrais pas répondre à tout ça, ça se peut pas, là, ça va trop loin. La conscience crée la gravité qui forme la matière, est-ce correct? Moi, je dirais que non. Ah non. Ben là, c'est bizarre. La gravité qui forme la matière, ben avant qu'il y ait de la conscience dans le plan matériel, il y avait de la matière. Puis il y avait de la conscience en dehors du plan matériel qui a colonisé la matière, mais la gravité, les lois de la gravité. Vincent Trochin, du même endroit. Le masochisme, je t'adore. Le mouchisme, je t'adore, mais risque. Bon, il y en a qui me trouvent. La conscience, c'est ce qui englobe tout. Ben, c'est au niveau intégral, ce qui pourrait intégrer le réel, ça de la conscience. Dans le sens, même au niveau de ce qu'on appelle la conscience, pas encore de la conscience. Tu as déjà été en possession démoniaque? Pense pas. Si c'est le cas, je m'en souviens plus. C'est l'expression de la polarité. Alors, en matière de. J'aurais mal fini, hein. Les gens, là, les vrais cas de possession, là, ça finit par la mort ou un internement, puis c'est des gens qui vivent pas vieux. Là. La vraie, vraie possession, ils finissent en prison. Puis là, on parle des petites affaires pas fortes, là. Mais souvent, le corps peut même pas. Non, vous avez, les gens qui vivent réellement des vraies, vraies possessions, c'est très violent, là. Selon Kemp, les pyramides sifflaient l'énergie, momifient, tandis que les sphères géodes maintiennent l'état énergétique présent. Moi, j'aime mieux la forme de la sphère. Il faut comprendre que Daniel Kemp, il a vécu dans les années 80. Il a parlé dans les années 80, puis il y avait une grosse, grosse mode de pyramide qui venait des années 70, mais dans les années 80, c'était bien, bien fort. Puis il y a plein de monde qui ont fait des expériences au niveau des ondes de forme. Puis qui se rendaient compte que les pyramides pouvaient, certaines formes peuvent aider à préserver des tissus, par exemple. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'inconsciemment, juste quand vous touchez avec vos mains de la viande, par exemple, en la plaçant dans un objet en pensant que ça va la momifier, vous irradiez avec vos mains une force momifiante qui s'amplifie par l'imagination. Lisez la suggestion mentale de Korovitz. Il n'y a pas juste les ondes de forme, là. Nous sommes, les corps sont des formes. Nous sommes des formes qui bougent. Donc, aussi un implant contrôlé. Bon, pouvez-vous nous définir la cinquième dimension? Ben, c'est là où s'enregistre l'information. En dehors de la matière, c'est une mémoire en dehors. C'est le vibratoire, dans le sens de l'éther, dans le sens de l'âme. Ça a différents paliers de densité. Donc, c'est la dimension qui englobe toutes les autres, si vous voulez. C'est l'être humain multidimensionnel parce que c'est entre autres, l'âme raccorde le corps et l'esprit, entre autres, puis ça fait des. Ça, c'est une jonction, la cinquième dimension. C'est le vrai espace qui n'est pas spatial, il n'est pas spatio-temporel comme on le conçoit. Moi, juste moi. Les autres qui arrivent repartent en laissant des cheveux d'ange. Ben oui, ben ça, j'ai même jasé avec un bonhomme qui a touché à ça, dans ses doigts, là. Puis, c'est de la matière volatile très étrange. Ça devient visqueux, après ça devient liquide, ça disparaît. Mais on appelle ça les cheveux d'ange, c'est pas les anges. Vincent, tu te fais remplacer. Pouvez-vous nous parler au-delà du mental, le psychisme? Ben, le psychisme, ça englobe le mental. C'est ça, là. Le psychisme, là, c'est tout ce qui lie justement à votre âme. L'âme. Hein? Donc, c'est même l'esprit. L'esprit est en contact avec le psychisme, mais c'est pas la même chose. Donc, intéressant, ça va écouter ce qu'il nous dit. Bon, oui. La cinquième dimension est la dimension qui se situe au-delà. Ouf. L'interface d'avec les dimensions. Ben oui, mais le problème, c'est qu'on spatialise l'énergie là, au niveau de notre intellect. C'est pour ça l'affaire des dimensions. L'âme, c'est ça la cinquième dimension, c'est-à-dire qu'il faut que l'énergie s'enregistre quelque part pour revenir dans le linéaire spatio-temporel. Ça prend un espace au-delà de l'espace. un espace topologique, mais au niveau informationnel. Dans le sens que le magnétique, on n'a pas encore compris juste comme la mémoire qui peut s'enregistrer dans un lieu, c'est à cause d'une charge magnétique qui est liée à la planète. Ça s'en est une cinquième dimension. Puis même ça, cette dimension-là communique avec d'autres. Tout est lié. Tout ça sert des dimensions de la bullshit, enfin. Bon, oui. De toute façon, on vient que tout est de la. Bertolt, c'est à l'ego de faire. Ah, wow, je l'ai perdu. Bon. C'est à l'ego de faire la gestion de l'esprit par l'intermédiaire des pensées, au même titre que l'ego doit faire la gestion de toutes les pensées. C'est parce que c'est un centre, l'ego. C'est pas l'ego en tant qu'ego, c'est l'ego en tant qu'interface. C'est pour ça qu'on a dit que c'est une lentille. Vous savez, comme si l'esprit est un soleil, puis là, avec votre lentille, votre ego, vous allez individualiser l'intelligence universelle comme une loupe là, en dessous du soleil. Ça fait un petit point concentré de lumière. C'est à ça que doit servir l'ego. Donc, pouvez-vous nous parler au-delà de. Ok, ça je l'avais lu. Oui, la controverse de Valladolid, une aberration. On dirait qu'à présent, c'est toujours une réalité sous-jacente dans les inconscients collectifs totalement d'actualité. Il faut en avoir digéré puis supporté. Mais je ne sais pas à quoi vous faites référence. Comme je vous dis, moi, je suis pas très. Je suis pas très au courant là, de toutes les. Je ne me tiens pas dans des groupes. Bon, c'est fini là. Moi, j'arrête, ça arrête. Là. Je t'avais d'arrêter. Il faut que j'aille. J'ai pas dîné, imaginez-vous, là. J'ai les doigts qui jonglent. OK. Ouais, c'est parce que d'Archimiste, tu t'écris tellement que je perds. Il y a tellement de messages que là, je perds. J'ai de la misère à me retrouver, là. Salutations, je viens d'arriver, Fais-tu longtemps que t'en dirais que oui? Ça fait 2 heures. Ça fait 1h51. Je voulais faire ça une demi-heure, moi, là. Bon, là, je m'ai perdu pas mal, désolé, j'arrive pas à descendre. Allez, arrêtez de pourrir le chat. Bon, ben là, faut pas non plus exagérer, là, c'est pas. Est-ce que Marc Lassalle n'était pas fier de son réel nom de famille? Est-ce que Bernard de Montréal était en fait Bernard Tremblay? Non, c'était Bernard Boucher. Bernard Boucher. Non, l'affaire, les pseudonymes, c'est pour avoir la paix dans la vie de tous les jours. Comme, prenez Charles Sabourin, un moment donné, j'osais avec, il dit, t'as-tu remarqué, ils ont tous des pseudonymes. Je lui avais dit, j'ai dit, vous avez jamais reçu des appels à la maison? Puis là, il m'avait dit, oui, il y a quelques weirdos qui ont appelé. J'ai dit, ben, c'est pour ça le pseudonyme, c'est pour ça les pseudonymes. Bon, tu sais, j'ai assez à faire avec moi-même. Je l'ai précisé que c'est écrit. Il veut que Bertol lui réponde et tout. Bon. T'es ma triple conscience. Oh. Bon, ben, merci à vous. Je suis à la veille là, de. Merci beaucoup pour tes interventions. Ben, c'est moi qui vous remercie. Il y a des choses que j'ai dit aujourd'hui que j'aurais pas vu là, autrement. Controverse, c'est le débat espagnol dont tu as parlé. Ah oui! Mais oui. C'est n'importe quoi, ça. Il y a même du monde aujourd'hui qui pense que comme l'Église le dit, que les animaux n'ont pas d'âme. Alors que âme, c'est anima, ça vient de ce qui anime. Ils ont clairement une âme collective parce que vous prenez l'expérience là, que vous apprenez quelque chose à un animal, puis des autres de la même espèce vont l'intégrer. Puis ça passe pas nécessairement par la connaissance au sens de. Ils doivent pas nécessairement l'avoir appris de leurs parents. Ça, c'est lié à une cinquième dimension qui les rattache tous. C'est ça l'âme. Sauver l'âme, quand on parlait dans le temps sauver l'âme, c'était au niveau de l'enregistrement de l'information. Parce qu'il y a certaines choses pour qu'il y ait une évolution, il faut que ça s'enregistre dans l'âme. Mais c'était tellement spiritualisé, c'était tellement subjectif. Puis cette vieille mécanique-là, qui est extrêmement ancienne, c'est comme ça que la vie fonctionne, fait partie des lois de la vie en évolution. les théologiens ne l'ont jamais compris. Puis c'est vraiment par l'observation qu'on peut voir ça, notamment par l'étude de juste la société québécoise là, du 17e siècle jusqu'à maintenant. On voit la mécanique d'intégration, la mécanique d'évolution lente au niveau l'évolution dans le sens de expérimental, pas l'évolution dans le sens. Donc, Darkemisk, Yann, oui, me semble bien, oui. Avez-vous vu les grandes révélations de Richard Glenn à faire dans son dernier vidéo? Non. Ben, je vais peut-être aller voir par curiosité, là, parce que vous m'engendrez de la curiosité, là. Mais Glenn, là, avec ses voix en écho, là, puis il me fait baisser ma vibration. Je dis pas pour être méchant avec, là, mais... Oh, c'est lourd, il y a une lourdeur avec Glenn. Je vais peut-être aller voir, je vous promets rien. Bœuf bourguignon amélioré, ce sont les mêmes que celles qu'il fait depuis que c'est ça. Plus d'intérêt pour rien dans la vie? Ben oui, j'ai de l'intérêt. Je trouve ça de plus en plus intéressant. Puis plus ça va, plus... et le pion zéro au milieu, moi. Bon, ben moi, je vais vous laisser. J'ai sûrement manqué des affaires parce qu'à un moment donné, j'avais arrêté le chat pour lire. Puis là, ça continuait. Puis là, j'en ai perdu. Mais ça se peut que je mette à un moment donné la fonction là, qu'on peut mettre un délai. Pense à développer les figures en lien avec le Yiking. Oui, ben c'est ça. C'est parce que ça me prend un tableau. Je veux un tableau avec des feutres parce que c'est trop compliqué là, avec... du papier, là, je trouve ça vraiment trop compliqué. Donc, j'aimerais beaucoup de bon. Ben, vous pouvez toujours l'imaginer. Yeah, comment je pourrais dire ça? Il y a du monde qui m'aime, c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Dans la vie de tous les jours, là, je suis épouvantable, je veux dire... Si vous saviez à quel point je suis quelqu'un d'intransigeant, de borné, puis, si vous saviez comment je suis quelqu'un de détestable, vraiment, là, dans ma vie de tous les jours, là, puis en plus, je suis quelqu'un de calme, je suis quelqu'un de patient, mais je suis un pétou de coche, puis je suis imprévisible. Pour le monde qui m'entoure, là, je veux dire, c'est pas facile pour eux autres. Parce que souvent, ils peuvent pas prévoir. On voit pas de la même façon. Donc, moi, je vous aime pas plus que ça. Bon, en tout cas. Mais vous savez, là, à un moment donné, il ne faut pas non plus retomber dans... Il y a beaucoup de problèmes qui viennent du fait des troubles au niveau du rejet et psycho-affectif dans l'enfance. Il ne faut pas répéter ça, là. Dans le sens que vouloir m'aimer ou être aimé de moi, c'est pas une bonne idée. Ça va nuire, ça va être retardateur. Bon, quelle odeur je dégage? Ben, il paraît que je suis... D'habitude, il paraît qu'on me dit que je sens bon. Fait que je sens les liniments chinois. Fait à Singapour. On utilise certaines formes pour communiquer en conscience supramentale. Pour toi, est-il possible non seulement d'amener d'autres formes, mais aussi de modifier certaines existences? Oui. Oui, ben je l'ai fait. Je l'ai même fait souvent, surtout les premières années. Pour aujourd'hui, je vois que c'est repris ailleurs. Donc, si on perçoit ton intransigeance et les bornes, c'est normal. Ah, ben là, merci. Définitivement, on dirait que moi, c'est vrai. Bon, mais là, je vais vraiment d'avoir laissé là, pour dire une énergie sur ces figures. Ah, aller plus loin, aller pas trop vite. Là, je veux lire les derniers. Si la pensée vient d'ailleurs, qu'est-ce qui va ici? Ben, la pensée. Si elle vient d'ailleurs, c'est parce qu'elle est ici. Jusqu'à arriver à perdre pied, bon, sauter. Oui, je t'aime bien. On a le même caractère de merde. OK, ben oui. Ben, on doit être beaucoup tout en retard, mais présent tout de même. Bon, là, je vais lire Monsieur Tougol. On aime... Allez, je suis fatigué. On aime la conséquence de nos désirs, nos attentes, nos carences. Qu'est-ce que l'amour réel? C'est ça, des projets, des échanges. Ben oui, puis des collaborations. Donc, ben c'est un peu ça que je disais à David. J'ai dit, t'as jamais été mon disciple, là. Même souvent, c'est lui. Il me dit, oh, faudrait que tu fasses. Faudrait se mettre le temps de faire telle affaire, puis là, je le faisais tout de suite. Puis là, ou bien, il m'écrivait de quoi, je répondais tout de suite. Vous n'étiez pas obligé de m'écrire tout de suite demain. Il dit, ouais, mais je me sens obligé. Dans le sens que je n'ai pas une attitude de maître. À part peut-être, je vais avoir une attitude de maître chez moi. Ou dans ce qui m'entoure au niveau physique, là, matériel, spatial, matériel. Mais je n'ai pas une attitude de maître. Genre, je n'ai pas de doctrine. Puis. Je ne donne pas d'ordre au monde, là. Mais la femme de ménage est mieux de laver le plancher comme du monde parce que sinon on va se le faire dire. Ça, c'est peut-être le seul louche. Là, ok, là, je me permets d'être. Bon. Bon, ben, bonne soirée tout le monde. À chaque fois, je me souviens plus où faut que j'arrête le flux. Puis là, j'ai l'air d'un épile du prime. Donc, bonne soirée. Arrête, oui.